have just one question for you. Are you ready? Salut Marc, salut Smart, je ne sais pas si l'émission a débuté, mais bonjour et bienvenue dans les Catch Up Awards numéro 2. Est-ce que c'est bon, IRM? Ouais, c'est bon, là, on est en direct des studios. Oh là là. Je ne sais plus. On est très bien coordonnés, comme d'habitude, donc je ne savais pas si IRM allait me faire un signe, c'est tout ça, donc bref. Il suffira d'un signe. On est dans les Catch Up Awards numéro 2. Je suis à deux doigts de mourir, je suis Hank et je suis accompagné par l'équipe entière du Cachu. Nous avons donc IRM à la réalisation. Salut IRM. Salut Hank, salut à toutes et à tous. On a Raphaël. Salut à tous, bonsoir. On a Monsieur Armbar. Salut tout le monde. Monsieur Ringside. Salut tout le monde, salut Hank. Et on a l'homme qui est en train de manger en même temps, Monsieur Giscal. Salut Hank, salut tout le monde. les Catch Up Awards, vous devinez peut-être, mais si vous ne le savez pas, c'est les plus prestigieuses récompenses de l'année du monde du catch, de la WWE, de l'univers. Et nous sommes là pour près de 2 heures, oui, d'entertainment juste pour vous. Nous avons des mini-jeux à enjeu, des awards pas forcément très classiques, hein. On a quelques idées un peu originales pour cette année. Et puis voilà, et j'ai en plus, je ne l'ai pas dit à mes camarades, mais j'ai une super annonce de programmation pour l'an prochain. Ne vous inquiétez pas, hein, ça concerne que moi. Donc voilà, on aura plein de choses marrantes et aussi un super jeu qui va ennuyer tout le monde et que j'ai prévu depuis le début et que personne ne veut, qui consiste à faire chanter un générique de Superstar à n'importe quel moment à quelqu'un dès que je ferai sonner l'alarme John Cena. I have just one question for you. Voilà, donc ce sera à n'importe quel moment et voilà, ce sera random, enfin bref. Tout ça est très compliqué, on va repartir aux choses simples. Les awards, qu'est-ce que c'est les awards cette année? Il y en a 15. Oui, explique-nous. C'est en 3 parties. Alors il y a la première partie, c'est les awards un peu nawak, c'est les awards, c'est Hank qui a fait son truc dans son coin. Il y en a 5 et vous allez voir, c'est des awards un peu bizarres, un peu originaux. Ensuite on va passer aux awards qui concernent plutôt les segments, les shows et les segments. Donc voilà, nos shows préférés de l'année, pay-per-view, weekly et nos segments préférés. Et finalement on va passer aux catcheurs en eux-mêmes et les catcheuses dans la troisième partie de l'émission. Et entre ces petites catégories, on aura voilà, des mini-jeux. Enfin, vous verrez bien, il y aura retrouver qui sera le premier à retrouver qui a dit quelque chose. Et des petites choses comme ça. Bref, j'expliquerai plus tard. Mais on va passer d'abord. Chouette, hein. C'est des surprises pour les auditeurs, mais aussi pour nous, hein, visible. C'est un unboxing de Hank. Ils ont les règles depuis 2 semaines dans un Google Doc, mais personne ne les comprend. Ça fait 2 semaines qu'on a nos règles. Voilà. Alors faut pas nous emmerder. Hein. Le premier award de la soirée, c'était l'award du Kevin Spacey de la WWE. Qu'est-ce que ça veut dire, le Kevin Spacey? C'est celui qui a commencé de l'année très bien et qui l'a fini complètement dans la gadoue, dans les égouts. On n'a plus envie de le voir ou alors personne ne le reconnaît. Donc, Delete. Donc, pour cet award du Kevin Spacey, alors. Parce que je me suis dit, pour les résultats, je vais du nombre de points. Alors, le nombre de points, oui, que j'explique aussi. Tous les chroniqueurs ont voté un top 3 pour chaque award. Celui qui est premier du top 3, il a 3 points. Celui qui est 2e du top 3, il a 2 points. Celui qui est 3e du top 3, il a 1 point. Donc, ça fait que chacun, a réparti ses points sur 3 personnes pour chaque award. Bref, si on a Kevin voté pour Giscard, il a 2 points alors. Non, ça veut dire 3 points par personne, bah, tu multiplies par le nombre de par 6 et voilà. 18 s'il a voté 18. Pour lui, Giscard. Bref, alors 6e de ce classement des Kevin Spacey de l'année. Alors, bon, je vais le citer même si c'est n'importe quoi. C'est Raphaël qui nous a mis Goldberg. Raphaël nous a mis Goldberg comme qui a terminé très mal cette année alors qu'il finalement il est plus là et puis il est parti avec un gros chèque. Donc bon, mais 3 en vétérinaire maintenant. Oui, si je reviens, on sera pas content. Alors que la première fois, on était plutôt. Voilà, je me défends. Je peux. Cinquième du classement, c'était à égalité Heidi Linger et Rich Swann, hein, qui ont terminé chacun d'une façon différente, assez mal l'année. Donc, ouais. Si je vous dévoile un peu qui vote quoi, alors Heidi Linger, hein, c'est moi et Ringside, hein, on lui a mis un point chacun. Et puis Rich Swann, qui a voté Rich Swann, c'est Ringside. Ouais. C'est Ringside aussi, qui a bien noté l'actualité judiciaire de Rich Swann, qui est inquiétante. Fallait pas verrouiller les portes de la voiture. On en parlera peut-être dans Talking Catch, quoique le sujet est un peu houleux. Quatrième, c'est Bray Wyatt avec 3 points. Bray Wyatt, quatrième du classement, avec un vote de Giscal, un vote d'Armbar et un vote de Yerem. Bray Wyatt, est-ce que finalement il a terminé plus mal qu'il a commencé? Ça, On va dire qu'il a commencé champion du monde. Donc, c'est ça. Ah ouais, il a commencé très fort. Et il finit avec Finn Balor. Donc pour moi, c'est la totale lose. Hein. Non, il finit pas avec Finn Balor. Il finit avec Matt Hardy. C'est ça. Non, vous imaginez, ça va être pourri, ça va être nul. Ouais, il a commencé, il a gagné le Hell in a Cell de SmackDown, champion du monde. On s'est dit, ça y est. Ouais, Elimination Chamber, t'as raison, pardon. Et puis voilà, il finit aux oubliettes. Il a eu des matchs avec des asticots contre Orton. On lui a brûlé sa baraque d'enfance. Merde, non, voilà. Année pourrie pour Bray Wyatt. Ils ont déterré sa sœur morte. Non, ouais, non. Il a été malade. En plus, il a été malade, oui. Il a eu les oreillons. Bon, on arrive dans le vrai top 3, là, dans ceux qui ont vraiment récolté des points. Troisième, c'est Luke Harper avec 7 points. Luke Harper, hein, qui a été distingué par Giscal avec 3 gros points de Giscal, 2 points pour de Raph et 2 points de Yerem. Donc voilà, Luke Harper, alors moi je l'ai pas assez suivi un petit peu pour voir sa descente aux enfers. Qui a quelque chose à dire sur Luke Harper, un espoir, un vœu pour la nouvelle année? Un vœu, c'est qu'ils reprennent comme il a commencé l'année, hein, parce que pour ceux qui regardent SmackDown, ils auront vu que, comme Bray Wyatt, Luke Harper était chaud comme la braise au moment de la fin de la rivalité entre Orton et Bray Wyatt. Il était super over, le public voulait le voir tourner face, voulait le voir s'envoler en solo. On se rappelle de matchs contre Orton et même en équipe contre Wyatt où le public était à fond derrière lui. On pensait qu'après WrestleMania, peut-être son année, surtout avec SmackDown Land of Opportunities, on se disait qu'on trouverait peut-être une petite place pour lui. Shit. Et ouais, on trouverait peut-être une petite place pour lui sur la carte, mais malheureusement, non. Et puis du coup, oui. Et toute petite en fin d'année, il est ressorti de son placard avec un gros marteau. Et avec un gros chauve. Et avec un gros chauve roux. Donc, écoute, il était plutôt pas mal dans cette catégorie parce que on s'attendait au mieux et puis du coup on s'attend au pire un petit peu. On croise les doigts pour Luke Harper, hein, parce qu'il y a beaucoup de talent quand même. Nous passons au deuxième, l'homme que les relations humaines ont oublié. C'est Neville, Adrian Neville, avec 8 points. Neville qui a récolté 2 points de ma part, 3 points de la part de Ringside et 3 points de la part de l'amiral. Oui. Donc finalement c'est la Team Raw. C'est la Team Raw, ouais. qui a une pensée pour l'homme dont le contrat n'est pas. C'est pas qui c'est Neville, nous. C'est l'homme que la Team SmackDown a oublié. Ben oui, normal, le roi est mort, vive le roi. C'est l'homme que le licenciement a oublié, parce qu'il est toujours pas licencié. Ouais. Il est toujours quelque part dans Stanford, dans une pièce. Il nous prend une règle Mysterio, ouais. Il aime bien garder ceux qui s'envolent. Il ferme les fenêtres et puis il peut plus partir. Petite apparition dans le Rumble, pour Neville. Ouais. Le Rumble. Alors, la grande gagnante, dans ce silence, dans ce silence de mort, je vous annonce, la grande gagnante que, de toute façon, tout le monde a pu... J'ai fait un mauvais procédé cette année, c'est-à-dire que tout le monde a vu les votes de tout le monde, donc tout le monde sait à peu près les résultats, mais c'est pas grave. Vous ne le savez pas derrière votre écran, c'est Bayley. Et oui, la grande loseuse de cette année, c'est Bayley avec 13 points. 13 points, donc tout le monde, quasiment tout le monde a voté pour Bayley, sauf sauf Ringside. Et c'est lui donc qui va devoir nous expliquer. Ringside à la barre. Bah, elle a jamais vraiment décollé, hein, donc elle est toujours là. Elle est, elle a ses petits programmes où elle passe à la télé. C'est la copine de Sacha, mais bah, elle est toujours là. Elle n'est pas non plus exclue totalement du roster, donc. C'est la copine de Sacha et comme Sacha des mecs qui sont plus là et qui ont plus le droit de passer à la télé ou des choses comme ça. La pauvre Bayley. D'ailleurs, j'ai pas compris aussi pourquoi vous votez pour Luke Harper. Il est toujours là, il passe à la télé, il a un programme avec les Blue Jays, il n'est pas mis à l'index, hein, donc je vous trouve bien dur, même si je comprends parce que je l'avais foutu dans mes votes, à un moment donné je l'ai enlevé, donc ton argumentaire s'écroule. Trop honnête. Première et qu'elle a descendu en quatrième place. Comme ça. Ah, d'accord. Donc on rappelle le palmarès, donc du coup l'award de Kevin Spacey, première Bayley, deuxième Neville, troisième Luke Harper. Pour Neville, ça va être difficile. On sait pas s'il va revenir, mais pour le reste, on espère que rend mieux. L'an prochain, deuxième award de la soirée, c'est l'award du labeur non récompensé. On peut appeler aussi best worker. Enfin bref, les gens qui font des très bons matchs, mais qui restent exactement au même niveau du début à la fin de l'année. Giscal n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'il sourit, mais on va pas l'écouter. Tout de suite, le classement. Le classement, ça commence avec en cinquième avec un seul vote, c'est Ty Dillinger, c'est Raphaël hein, qui regrette la place de Ty Dillinger. Moi, je dirais presque qu'il est en dessous de là où il était à NXT quand il est parti. Ah bah oui. Mais oui. Puis dans l'intitulé du truc, il avait marqué qu'il avait fait des bons matchs. Ah bah c'était bien là quand il était dans le. Ça dans aussi, sport, j'ai beau être fan, je suis plutôt d'accord aussi que c'est pas non plus. Avec AJ Styles et Baron Corbin, c'était sympa tout ça. Un triple freak sur. Ouais, bon, j'ai pas dit Goldberg, ça va. Écoute, c'est le vote hors sujet, Raph. Je crois qu'il y en a d'autres dans la soirée. Non, je déconne. Discutable. Non, mais. Quatrième, on a trois. 3, 5, parce qu'il y en a un qui a voté pour une tag team. Bon, Sami Zayn, Cesaro et le club ou les Good Brothers, enfin, quand ils s'appellent comme Nerds ils. Voilà. Donc, Sami Zayn, tu, c'était. je crois que c'est de ma faute. C'est ma faute, oui. J'avais dû mettre Sami Zayn. Cesaro, c'est Ringside. Oui. Cesaro, c'est Ringside. Pour le Zayn, peut-être que c'était peut-être que en fait j'ai plutôt confondu avec celui qui snagne, mais bref. Et le club, donc du coup, c'est Monsieur Armbar. Donc voilà. D'abord non récompensé. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme grand match, le club? Tiens, Armbar, vas-y. Comme grand match, non, en fait, plein de grands matchs en dehors de la WWE. Non, sans déconner, si on regarde le match de cette année, le kick-off et le Rumble, Cesaro et Sheamus contre Gallows et Anderson, le club, c'était un très bon match tag team. Et là, on avait vu pour la première fois, parce qu'on leur donnait du temps en kick-off, hein, une bonne vingtaine de minutes, qu'on ont des adversaires sérieux, que dans le ring, ils en ont. Quoi. Et vous savez qu'ils avaient deux arbitres pour ce match? Ouais, ils avaient deux arbitres, effectivement. Et, pas la première fois. Et l'amiral, comment t'expliques que finalement, s'ils ont des bons matchs, ils sont censés monter dans le roster? Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit chez Giscal FM. Ça fonctionne normalement. Je sais pas, parce que ce qui est bizarre, c'est quand on regarde, ils ont eu plusieurs t-shirts pour une tag team qui a pas d'air. Et c'est un signe que du coup, ça se vend. Les trucs se vendent. On leur fait confiance pour faire des pubs contrairement à Alicia Fox qui a des matchs et pas de t-shirt. Brisango a eu que un ou deux t-shirts, le club en a eu deux ou trois fois plus en même période de temps. Mais je sais pas pourquoi on va les faire monter, je comprends pas quoi. C'est il y a un coche qui a été loupé et je pense que les scénaristes, la creative team n'ont juste rien pour eux. Ils ont pas besoin de tag team over, ils ont déjà trop de tag team over, il n'y a pas de place pour eux et c'est la tag team jobbers par exemple qui vient, qui job, qui fait des blagues. Voilà, c'était un... Ouais, alors maintenant, un bon match à... contre Rhino et Slater, là, avec les citrouilles. Non, ça fait deux. Non, mais ceci dit, si on regarde Sospo Wrestling, donc l'espèce de série parodique qu'a fait la WWE sur YouTube et le Network, parodiant une fédération de catch des années 80, eh bien, les deux, ils y sont de façon assez présente et ils sont super bons, super drôles dans leur personnage alternatif, on va dire. Donc, ouais, on dirait qu'il y a une confiance quelque part envers eux pour le côté comédie, mais pas pour le côté catch, alors qu'ils ont fait leur nom justement sur le catch à l'étranger, notamment au Japon. Donc, c'est un peu incompréhensible. Pourquoi on les utilise pas mieux? Alors, moi, j'ai envie de mettre un peu dans la merde Ringside qui fait le malin. Cesaro, il n'aurait pas été tag team champion genre deux fois dans l'année. Ouais, mais il mérite beaucoup mieux. Il tient à lui tout seul toute la division tag team. Il a fait renaître la division tag team tout seul. Il fait chaque semaine des matchs exceptionnels. Des matchs exceptionnels en pay-per-view. Il s'est explosé les dents, le pauvre, sur... le coin du ring pendant je ne sais plus quel pay-per-view. Il a quand même ponctué le match jusqu'au bout, une performance incroyable. Il est tellement au-dessus de tout le monde dans le roster, il devrait être dans le main event seul. maintenant, effectivement, contre un voilà, contre un balai par exemple, non, aller affronter Brock Lesnar ou des choses ça. Des choses sa place est dans le main event, c'est une bonne place qu'il a, mais c'est tellement en dessous de ce qu'il mériterait. C'est pour ça que je le place dans ce classement, tout simplement. D'accord. J'ai pas dit, donc c'était deux points pour tout cela, Sami Zayn, Cesaro et le club. Donc Sami Zayn, moi j'ai dû vite fait, mais j'ai pas le temps de me justifier. Hein. Moi j'ai voté tout ça aujourd'hui en speed. Voilà. Bravo, il défile. Une honte. Alors, troisième ex-aequo, donc on a une nouvelle fois Luke Harper, hein, il est partout. Sasha Banks. Et alors ça c'est juste moi qui voulais mettre Johnny Gargano, Johnny Wrestling, tout ça. Donc on a eu donc Luke Harper, c'est qui? Eh bien c'est Giscal, Ringside et IRM qui ont tous mis un point pour Luke Harper. Alors un petit exemple de match, un petit bon match avec Luke Harper. Bah Luke Harper moi, contre je Randy Orton, c'était non. Quand ça? Comment? Contre Randy Orton, Luke Harper, Randy Orton, c'était en début d'année, ça? Ça devait être en janvier ou en février. Hein. Ouais, février, ouais. Quand Randy a brûlé la maison. Ouais, avec toute cette histoire. Mais bien sûr, ouais, c'était génial. Et puis, au-delà des matchs, c'était vraiment le... Randy a brûlé la maison. Le personnage qu'il incarnait, qui était formidable. Il était vraiment à fond, là, avec cette rivalité avec Randy Orton. Toutes les petites séquences vidéo qu'ils avaient où tu le voyais toujours derrière Randy Orton. Ouais. Qui était le seul à comprendre que Randy Orton était préparé un serpent. Hein, était un véritable serpent. Hein. Et c'est super. Et puis après, quand il a commencé à faire du coup son face turn, il était hyper over auprès du public. Quoi. C'était vraiment la révélation du début de cette année. Et puis dans le ring, bah, voilà, hein, ses exploits parlent d'eux-mêmes. D'accord. Sasha Banks, et c'était Raph et moi, du coup. Alors, Raph, t'as mis deux points. Moi, j'ai mis un point. Qu'est-ce que tu as mis à Sasha, alors, du coup? Pourquoi? Bon, je sais pas. De toute façon, pour moi, on en reparlera. La division féminine, elle a été nulle toute l'année, donc Sasha ou une autre, mais comme c'est une des meilleures... c'est prometteur, tout ça. D'accord, bon. Non, mais. Elle a pas eu vraiment de bonnes adversaires, je trouve. Enfin, cette année. À partir du moment où Charlotte est partie, et du coup, après, c'était. C'était un peu des compliqué. Mois contre Nia Jax, ça n'en finissait pas cette rivalité, on sait même pas qui en est sorti gagnant ou pas, donc on l'a occupé, quoi. Ouais, c'est Alexa Bliss, la grande gagnante cette année. Tout était fait pour qu'elle soit mise en valeur, ça a coûté sa place à Sasha Banks, hein, j'ai envie de dire. Et Johnny Gargano, et une fois que sa tag team s'est séparée, on a décidé de l'oublier pendant X mois ou je sais pas quoi. Et puis après, on l'a remis dans des matchs tout pourris, puis il les a pas gagnés. Enfin bref. Il était en losing streak sur la fin d'année. Mais ouais, il va remonter la pente et il va sûrement être champion d'ici longtemps. Oui, et je pense que c'est vraiment c'est un choix de scénario pour Gargano. C'est vraiment pour lui montrer. La rupture de son équipe par la trahison de Tommaso Ciampa, ça l'a affecté dans son mental, hein, dans sa tête, et du coup il est plus assez. C'est ça, comme ça quand Ciampa revient de blessure, ça effectivement, une rivalité toute écrite qui va être super cool. Je pense que ça va être une très bonne rivalité à NXT en 2018. Ça. Mmh. Exemplaire, la trahison de Ciampa. Hein. Alors, deuxième. Gentil, quand même. Gentil, pardon. Deuxième, sur le podium, c'est Becky Lynch avec 4 points. 3 points de Giscard et 1 point de Monsieur Armbar. Becky Lynch, je ne saurais pas. Comme je disais, moi, SmackDown, c'est pas ma spécialité. Giscard, t'as pas beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses de Becky? Grand match, petit résultat, tout ça. Ouais, alors, grand match, je sais pas si forcément elle a eu des matchs extraordinaires, mais pour moi, vraiment, dans l'esprit de cet award, c'était celle qui incarnait le plus. C'est elle que j'ai mis en premier dans mon classement. C'est celle qui incarne le plus pour moi, vraiment, la dissonance entre son niveau et ce qu'elle est capable de faire dans le ring et sa place dans la carte. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est un peu le Cesaro de ringside pour moi. C'est chez les femmes, elle est toujours au niveau, je trouve. Elle a une énergie qui est ultra communicative et je sais pas, on n'a jamais capitalisé sur son premier reign à SmackDown qui avait tout cassé. Le public était à fond derrière elle. C'était la top babyface ultime de SmackDown et elle avait beau se déchirer match après match. Et à faire des super trucs, à être toujours ultra ultra carré dans le ring. Et ben non, on lui fout des Lana dans les pieds, des Tamina, des Company, des trucs de merde, des Carmella, tout ça qui lui prennent son spot. Des James Ellsworth. Et au final, ouais, elle a jamais, elle a soit stagné, soit carrément régressé. Et au point que maintenant, on préfère l'envoyer tourner des films plutôt que de s'en servir vu la division féminine à SmackDown. Donc voilà pour moi, c'est Becky Lynch, c'est la top workeuse avec Charlotte à SmackDown, mais non, elle va gagner. Écoute, j'espère pour elle. Hein. Moi, voilà. Et premier du classement ex-aequo, Finn Balor et Rusev Machka. Finn Balor avec 2 points de Giscard, 3 points d'Armbar, 3 points de IRM et Rusev avec 3 points d'Insight. De Raph et 2 points de IRM. Remarquez, comme je n'ai voté pour aucun des deux. Non, mais ça fait les mêmes votants. Bref, vous voulez défendre plutôt Balor ou Rousseff? Qui Rousseff. Voilà. Moi, j'ai pas voté pour Rousseff. Donc... Balor, sur mon cœur. Rousseff, Giscard, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ben non, voilà. il est bien là où il est, Rousseff. Il est bien à sa place. Oui, là, il est bien là. Happy Rousseff Day! D'ailleurs, joyeux Rousseff Day à tous. C'est vrai qu'on en a. Voilà, c'est ça. Joyeux Rousseff Day. Non, moi, j'ai pas mis Rousseff parce que je trouve que sa fin d'année est pas si pire que ça. Mais alors, Finn Balor, franchement, honte, quoi. Quand on voit les matchs qu'il a mis, ne serait-ce que le match improvisé, entre guillemets improvisé, préparé de manière assez courte contre AJ Styles à TLC, que ce soit les Fatal 4-Way ou Fatal 5-Way auquel il a participé, il a fait des putains de matchs. On a mis la ceinture universelle sur le dos, il se blesse, il revient, il finit par faire effectivement la fin d'année, à se battre contre le Mister Courage. Ouais, c'est vraiment du gâchis, quoi. Et même si on le tait en promo, c'est pas l'euro, c'est clair. Ben, c'est toujours pareil, c'est pour les promos qu'on lui écrit, en le faisant faire Pumpkin Balor, le Balor orange pour aller. C'est clair que le mec, il a pas crevé les cons. Donc là, vraiment, c'est du main eventer très, très, très, très mal utilisé. Voire sous-utilisé. Cré Balor, Pumpkin Balor. Pour Rousseff, c'est pareil que Cesaro, hein, c'est-à-dire qu'il mérite beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il lui proposait. Il est très drôle, il transcende tout ce qu'on lui propose, même si on lui propose du truc un petit peu bas de gamme. C'est sûrement un des meilleurs talkers de toute la WWE. Roi de l'impro. Dans le ring, il est assez exceptionnel. Voilà, il a son petit push en ce moment, qui est un push du côté un peu humoristique, mais il pourrait largement au-dessus. Pour moi, on pourrait partir sur un truc à la Y2J avec Rousseff. Ah bah, pour moi il a le package complet, ouais, parce qu'il est hyper drôle, c'est le bourrin de tous là. Il est affûté comme jamais en plus. Là il est très très affûté. C'est vrai que c'est impressionnant. Affûté comme jamais. Mais il est bien parti. Il est sur la bonne route. Mais oui, il est sur la bonne route, il y a pas de problème. Bon, bah, triple threat, Brock Lesnar, Cesaro et contre Rousseff alors pour ringside. Exactement, voilà. Ça, sur le papier ça cogne, c'est beau. Ouais. Clash of Champions. Bam. Book it right now. C'est parti pour le troisième award. Oh mon dieu, mais vous entendez cette musique? C'est la musique de la panique. C'est la musique qui signifie que l'un de nos chroniqueurs, y compris moi, va devoir chanter un générique de SmackDown. Ça y est, on te voit. Ou de Raw. Alors, j'ai pas mis tous les génériques du monde. Alors, ça tombe sur moi-même. Il est trop sympa. Et gentil. Je randomise. Alors ouais, mais vous ne savez pas si j'arnaque, mais en tout cas je randomise les génériques. J'arnaque certainement. Et j'ai Baron Corbin comme générique à chanter. Il y a des paroles là-dedans ou pas ? Pendant 10 secondes. Je ne sais plus comment ça fait en fait. Du nouveau générique de Baron Corbin. Ouais, mais là je reconnais ni l'ancien ni le nouveau là. Non, là c'est du chant grégorien maintenant au début. Alors franchement, ce serait exactement ça. Essayez de le chanter. Alors voilà, c'était la pause Baron Corbin. Tout de suite, l'award du Cyril Hanouna de la WWE. Enfin, du moment Cyril Hanouna plutôt. C'est-à-dire le segment le plus insupportable de l'année. Nous avons donc dans ce top 6 des segments les plus insupportables de l'année, ça commence avec un point pour le squash, donc du coup Goldberg contre Kevin Owens. On en a plusieurs en fait en 6ème position, donc on a le squash Goldberg contre Kevin Owens, ça c'est Raph je crois. Mais c'était trop bien ça. Raph, c'est un match, c'est pas un segment, mais c'est pas grave. C'est un match. Oui, moi j'avais mis segment pour eux, enfin bref. Il était tellement court qu'on peut dire segment. Hein. Mm. Ouais. On a les débuts des Malinas pour IRM. Ah oui, 17 semaines hein, pour y arriver. 17 semaines, bon sang. Alors, on dit que c'est pire que le karaoké surprise de Hank. Bon. Je ne vais pas aller à distinguer le peu que j'en ai vu. J'ai mis une promo de Jinder Mahal, mais n'importe laquelle. Possible. C'est la promo. J'aurais disqualifié ce match, c'est ça ? Ouais. Je ne vais pas aller jusqu'à vérifier laquelle est la pire. C'est celle du 19 septembre, c'est celle que j'ai mise. Exactement. J'ai dû la mettre aussi, elle est dans le classement, elle est plus tard. Cinquième. James Ellsworth gagne le Money in the Bank. Alors, c'était pas cool. C'était qui ? C'était Monsieur Armbar. Ouais, scandale. Vive la Women Revolution, premier match de l'échelle pour les femmes, et c'est ce nabo sans menton, là. Ah ! Bonne veille. Ça m'énerve. Je me casse. Non. C'était un mal pour un bien. L'an prochain, c'est Enzo Amore qui décroche pour Nia Jax. Voilà. Ah, ça serait beau, ça. Donc, cinquième... nous avons donc du coup de la part de quelqu'un qui n'aime pas l'amour apparemment, John Cena demande Nikki en mariage. Ah, qui a mis ça ? Qui a mis Raphaël ça avec 2 points quand même. Ah ouais, c'est nul. Mais en fait, oui, attends, voilà, tu n'aimes pas l'amour, c'est tout. Je ne sais plus. Ah non, il a mis un point, autant pour moi. Quatrième donc du coup de ce top des moments Cyril Hanouna de l'année, c'est Jinder Mahal qui se moque de Shinsuke Nakamura. Sa face de citron, enfin bref, des blagues. La face de quetch. La face de quetch. Ouais, voilà. Cette tête de banane flambée. C'est qui a été outré par ce segment ? Nous avons Giscal avec un point et Ringside avec 2 points. Voilà. Donc c'était. Chiotte. Ouais. C'est parti pour le podium de ces moments Cyril Hanouna de l'année, avec en 3ème position le Lumberjack match entre Natalia et Charlotte. Donc du coup, joli sprint final pour ce match. Hein. Oui, très très joli sprint final. Tout le monde. C'est la team bleue qui a souhaité récompenser ce match en entier, puisque si je ne me trompe pas, c'est 2 points de la part de IRM et 2 points de la part de Giscal. Oui. Voilà. Ah oui, oui. Un petit mot sur ce match là, on est dans le podium. pour ceux qui ont écouté la review de Clash of Champions qui était avec moi-même, IRM et l'amiral, il me semble. Hein, c'était je pense le pire match, le mais à la fois le pire match et le pire segment et la pire prestation d'acte actrice, enfin en tout cas de workers de Lumberjack que j'ai vu de mémoire récente. C'était une purge de bout en bout. Si vous voulez voir un tutoriel de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un Lumberjack match à la WWE, bah, vous l'avez en condensé pendant 12 minutes. C'est une prestation proche du néant de tout le monde. Personne n'a sauvé ce truc. Donc voilà, Glanage d'Award. Je ne sais pas si c'est pire que le Alexa Bliss Bayley avec le Kendo Stick. Candlestick on the pole match. Ouais, c'est vraiment dégueulasse ça aussi. Pas dans ouais, mais il y avait Alexa Bliss. Je suis pas sûr que Lumberjill soit. Bah, c'est-à-dire que le Lumberjill match, t'as 3 ou 4 symptômes de la maladie qui atteint la division féminine à SmackDown. Charlotte Face, qui certes fait du bon boulot, mais qui arrive toujours pas, je trouve, à tenir son personnage. Natalia qui nous sort sa promo là complètement dégueulasse juste après, fait semblant de pleurer, tout le monde s'en fout. L'absence de Becky Lynch et la faction dominante qui vient tout casser, qui dit ok à cette stipulation qui est juste qui leur sert à rien et qui n'en profite même pas pour casser les gueules pendant le match. Pire, elles se sont fait un peu rouler dessus. Donc, Elles ont empêché Carmella de cacher, comme l'avait dit l'amiral. Enfin bref, c'était. Après, c'était difficile de s'attendre à quelque chose de bien pour ce match-là. Hein. Ah ouais, bon, il y a le côté. Ah, oui, bon, on a eu ce qu'on attendait, c'est-à-dire de la merde. Hein. Oui, ils sont pas surpris. Bon, allez, on va passer. Oui, on a le temps. Hein, c'est bon. pas fini. Je préviens juste pour les gens dans le chat, juste après, quand on aura fini ce podium, on fera un point sur le chat. Oui. Opération Under Siege, hashtag Under Siege de SmackDown envahissant Raw pour les Survivor Series. C'est le deuxième de ce podium avec 7 points. 7 points. C'est un point de Monsieur Armbar, 3 points de Raph et 3 points de Monsieur Hank. C'était une horreur. Hein. Moi, ça m'a gâché ma soirée. Hein. Le segment en soi est pas une mauvaise idée, sauf c'était pas les bons catcheurs, c'était pas le bon casting, il faut mettre que des heals et c'est pas du tout le bon traitement ensuite. C'était un heel turn général, mais non. Là c'était juste c'est un fait de guerre. Allez, Shane il revient le lendemain à SmackDown et tout le monde est content. Non, c'était. Ouais, on avait dit les faces qui débarquent pour tabasser leurs potes. Ah bah oui. C'est genre Gable qui fond sur Jason Jordan. Alors peut-être qu'il savait déjà que Jason Jordan était un mec insupportable avant qu'on sache nous. Hein, et que du coup, c'est pour ça qu'il a tabassé, je sais pas. Mais c'était... C'est pas ce qui se passe dans les coulisses. Hein. La consigne, c'est genre toi, tu connais celui-là. Toi, tu connais celui-là. Tapez-vous dessus. Je le vois. Non, mais je suis son ami. Non, mais tu le connais, c'est tout. Les gens, ils repèrent les visages. Ils font lui, il va avec lui. J'ai bien aimé. Les catcheurs s'expriment aussi par la violence tout au long de l'année. Et là, on fait nos mecs étonnés parce que les mecs viennent leur dire coucou en leur tapant dessus. Quoi. Ouais, mais en fait, là, il y avait vraiment un côté délinquant. Genre, et à la fin, on prend en otage le chef. Et pourquoi en plus pour faire genre. Attention, parce que nous, on va te battre dans un match avec des règles. Bientôt, genre, t'as l'impression qu'ils vont le tuer. Non, il fait bientôt, on aura une compétition propre. Et avec tu verras ce que tu verras. Il n'y aura pas de blessure. Et ça va faire mal. Au moins, ça a amené un bon développement, je trouvais, de Kurt Angle qui s'est retrouvé au pied du mur. Et ça, c'était pas trop mal. Côté Raw, en tout cas, c'était bien. Bah, le segment le retour de du coup, Kurt Angle au dernier épisode, le Go-Home. Ouais. Avant le pay-per-view était bien mieux que ça, quoi. Ouais. Ah oui. Mais le problème, c'est aussi l'alignement de Shane qui, jusqu'à encore aujourd'hui, hein, quasiment, est toujours face. Et à ce moment-là, il aurait déjà dû être. En fait, tu mets Shane en heel et t'essaies de prendre un minimum, enfin, de pousser un minimum, garder les faces un peu à part quand même dans ce segment. Ça serait bien passé ou même juste le fait que Shane soit heel aurait pu justifier qu'il arrive à les manipuler les oblige genre, dans leur contrat ils sont obligés de faire ça mais là le mec le lendemain c'est et nous on va gagner parce qu'on est la petite brand qui monte et on est trop des gentils. En tout cas cette séquence c'était probablement le meilleur match de Nakamura. Mmh. Voilà, c'est le rendu extrêmement violent, moi, qui me dérange, parce que je suis quelqu'un qu'on choque facilement. Quelqu'un qui a des principes, qui sait se tenir. J'ai envie de dire que pour le reste, pour monter le pay-per-view, c'était plutôt réussi. Ouais, exactement. En plus, c'était daubé d'entrée, puisque on savait qu'ils étaient en tournée en Angleterre, en fait, des semaines après ça, dans des villes complètement différentes d'Angleterre. Et le moment où Raw et SmackDown allaient tourner dans le même coin, c'était juste le Go-Home Show avant le pay-per-view. Donc, on savait dès ce moment-là que Raw allait se venger au niveau du Go-Home Show, quoi. C'était prévisible. Parce que t'es un suiveur trop averti, Amiral. Mais non, déconnecte, Amiral. Déconnecte. Déconnecte un peu. Attends, tu déconnecte ton esprit, mec. Libère ton esprit. Déconnecte. Déconnecte. Vanguard One. C'est le Cyril Hanouna Award, c'est ça qui fait. Ouais. Bah, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait changé quand il y avait ce segment. Hein. Si je peux me permettre. Hein, en toute innocence. Non, ouais, non. Ah, mais ça donne envie de casser sa télé. Enfin, j'ai pas forcément envie de regarder. Mais bon, allez, j'ai pas voté pour ça. Arrêtons de tergiverser. Le grand gagnant du segment Cyril Hanouna de l'année, c'est Bayley, ou plutôt c'est Alexa Bliss avec Bayley, This Is Your Life. Le segment que même la WWE a décidé une semaine après de dire ah, en fait c'est tout pourri, mais on va mettre tout sur le dos d'Alexa Bliss, même si on l'a obligé à sortir cette très longue. Très longue promo à détailler des trucs vraiment honteux, finalement, de la vie de Bayley, en disant « Hey, regardez, elle est petite, elle écrivait de la poésie. » Normal. Il n'y a pas de honte à ça. « Regardez, quand elle était petite, elle écrivait pas très bien. » Elle rêvait d'être catcheuse puis qu'elle était petite. Hein. Ouais. Oh, la honte, la honte. Trop naze. c'est... La bolosse, mais la bolosse. Tout ça pour copier sa meilleure copine, Sasha Banks. Plus bel exemple de la WWE à côté de la plaque. Ouais. Quand il y a on a l'impression que c'est des mecs de 70 ans qui écrivent les blagues. Bon, rappelons que le This Is Your Life, Rock Mankind, c'était le segment le plus regardé de l'histoire de la WWE. De temps en temps, ils essaient de le refaire. Ouais, de le refaire Bah, ils devraient pas. Mais c'est non, aussi mais dans ce segment où ils ont fait venir un ancien petit ami de Bayley. Ouais, Et pour dire qu'ils n'ont pas couché ensemble, c'est ça, un truc du genre. Et pas en ça, fait, parce qu'elle est complètement innocente, en fait. Mm. Oui, mais il était amoureux de la copine de Bayley, donc ce segment a quand même servi à former un couple. Et après, ils se retrouvent, et après, ça se termine super bien, et c'est magique. Un point sur le chat. Ouais. Bah. Point sur le chat. Donc on salue tous ceux qui sont là. Il y a Sam Ton Désir, il y a Richard, il y a Bart, il y a un certain Dimitri aussi. Je sais pas qui c'est. Mon gars. Lui il est relou. Et donc du coup sur les avis de ceux-là au niveau des awards. Alors sur l'award donc du worker le moins récompensé, il y a Richard qui nous dit que c'est Rousseff, hein, puisqu'on a vu son cas. Cette année, on a vu son caleçon style à Rousseff, donc c'est finir l'année dans la honte. Et puis, Sam Ton Désir et Guillaume Sudré qui avaient bien vu, qui avaient voté comme nous, qu'on décernait effectivement l'award du segment le plus honteux, le plus horrible, effectivement, aux This Is Your Life, alors que Richard, lui, était plus côté James Ellsworth qui gagne de Money in the Bank. Et on avait aussi Richard qui parlait de la bataille Yes and No entre Kurt Angle et Daniel Bryan à Survivor Series qui était horrible. Ah oui, c'est vrai, c'était pas terrible ça. Non, c'était dur. Puis j'ai vu beaucoup de segments Daniel Bryan au téléphone aussi sont pas terribles. Hein. Oui, ça. Il va falloir lui confisquer son téléphone. Et toujours c'est avec. Toujours, de temps en temps, il fait ça et puis tu vois, ah mais t'es sur la page d'accueil là, pourquoi téléphone pour les GN. Réalisé sans trucage. Allez, le quatrième award de la soirée, c'est l'award de la momie de l'année. Alors, La Momie, un film qui a fait un grand flop au box-office cette année, et ben c'est un peu ça, c'est le retour ou l'arrivée qui a fait le plus grand flop à la WWE cette année. On a très peu de... Attendez. Je vais être disqualifié, là, je sens. Que je regarde. Ah, ça sera la disqualification. Ah oui, non, on a que 4. Alors, on a que 4 places de podium. On a des essais. Quatrième, c'est Shelton Benjamin. Shelton Benjamin avec 2 points de la part de monsieur Ringside. Bon, on commente à partir du podium. Il s'en sort bien. Alors. Il s'en sort bien, mais il ne se justifiera pas forcément. Du podium, donc, en troisième position, on a Ty Dillinger, la famille Kennelys, Goldberg et Kane. Alors, je ne saurais plus énumérer qui a voté quoi. Ty Dillinger et Goldberg. Vous savez que, dès qu'il y a Goldberg, vous savez que c'est Raphaël. Hein. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. C'est Raphaël. Raphaël qui a voulu mettre les 3 points. Qui a voulu mettre... il a mis la bonne dose. Donc, qui a une grande haine contre Kane? C'est moi, ça. Ouais. Giscal. Oh, Giscal, il a mis les 3 points sur Kane. Vas-y, Giscal. Boum. Ouais, j'ai mis 3 points sur Kane. C'était le retour de l'année qui m'en a fait bouger une sans faire bouger l'autre. Là. Enfin, c'est vraiment... Et puis, en plus, on va se le taper maintenant. On sait qu'on va se le taper jusqu'au Royal Rumble. Il sera dans la title picture avec Brock Lesnar, c'était la petite surprise de fin d'année dont je me serais bien passé personnellement, parce qu'après sinon à part ça il n'y avait pas trop de retours vraiment à nominer dans cette catégorie, donc voilà Kane qui continue à battre des catcheurs en 2017 régulièrement à Raw. Faut qu'il look strong. Même moi, ça m'agace, donc je l'ai nominé. Mais justement, les gars, là, je vous vois faire des signes. Bien sûr, on y vient, le deuxième, c'est Finn Balor. L'autre démon. Avec 4 points. Alors attention, parce que la différence entre le premier et le deuxième est monumentale. La différence de points entre le premier et le deuxième de ce classement est monumentale. Mais Finn Balor, donc, avec 4 points, 2 de Yerem et 2 de moi. Donc voilà. Alors Yerem, est-ce que tu préfères que j'en parle ou Ouais, vas-y, là, je suis en train d'essayer de trouver un visuel de Finn Balor. Je peux poser une question. Sans sa peinture. Attends, Raph veut poser une question. Question de Raphaël. Excusez-moi, c'était quand du coup son retour à Finn Balor, il est revenu après WrestleMania, c'est ça ou... Oui, il est revenu, je crois, deux semaines. Deux semaines après Mania ou une semaine après Mania? Je sais plus. Je me demande si c'était pas le roi après Mania. Ça doit être le roi après Mania, je vois pas pourquoi il l'aurait fait. Ouais, il est revenu un petit peu. Si le public était content, mais en fait ça a perdu. Voilà, forcément il a perdu de son élan. Et puis je trouve pas qu'il a fait vraiment de match fantastique à part celui contre Styles. J'ai pas. En même temps, contre Bray Wyatt, c'est difficile quoi. Ouais, mais Roman Reigns avait sorti un rematch contre Bray Wyatt. Roman Reigns est bien plus fort. Hein. Mais il y a pas que, c'est pas que, c'est pas que, voilà, c'est pas que lui, tu vois, c'est le booking en même temps, etc. Je trouve qu'en général, le retour de Balor a été un flop pour l'instant et que ils font rien pour l'arranger, mais. C'est ça surtout, c'est qu'ils font rien pour l'arranger. Ouais, mais même lui, je le sens pas plus. Concerné ou motivé à montrer plus que ce qu'il n'avait montré avant. Je sais pas si sur le mental ou quoi, mais enfin pour moi il est reparti, il est revenu comme il était déjà parti quoi. Tu as vu le AJ Styles Balor ou pas? Ouais, bien sûr, oui, mais d'accord. Oui, mais si tu mets regarde-le. Non mais tu mets AJ Styles dans les c'est de la triche. Là il est motivé. C'est immotivé parce que c'est son copain. Sur les réseaux sociaux, il essaye d'asticoter Vince là, oui. avec plusieurs messages. Il a posté une photo de lui avec son père à Noël en mettant ça, c'est il y a mon père et le vrai champion de la WWE, un truc comme ça quoi. Donc je pense qu'il y avait une grosse polémique où Vince, a priori dans les coulisses de ce qui se compte, ne verrait pas Balor comme étant quelqu'un un candidat sérieux quand il n'est pas en mode demon. Il semblait que c'est genre des propos déformés ou des trucs comme ça, mais ce que je reprocherais moi c'est que j'ai pas l'impression, alors oui dans le ring il est motivé etc, mais j'ai pas l'impression qu'il essaie de faire quelque chose, même quand il a un texte c'est pas terrible, et j'ai pas l'impression qu'il essaie vraiment de faire quelque chose au micro quoi. C'est quand il est au micro la dernière fois, ça fait qu'à 6 mois. Bah c'est pour ça. Ouais, mais Balor il se met pour l'avoir quelque chose quand même. Et toujours contrairement... vouloir faire parler tout le monde dans des oui mais contrairement les gens ils se cassent la gueule. Mieux ça fait un Seth Rollins là où il nous soupe pendant 3 heures, ou Bray Wyatt là, on donne le micro, ça donne des segments où on s'endort. Rinsen, je suis en train de le voir au fond d'un PMU comme ça. Mais faites les terres, faites les terres. Resserre-moi du rouge. J'ai toujours le même Josiane. Moi je te le dis, il n'y avait pas autant de promos en 92. Bon, on fait alors. Mais c'est vrai que en termes de promos, Balor il est pas terrible, mais il est pas terrible comme un Seth Rollins face n'est pas terrible. Et ce qui a changé entre avant et maintenant, c'est que Seth Rollins est devenu face. Et du coup, ils ont un catch qui est assez pas similaire mais assez proche. Niveau promo, ils sont un peu au même niveau, donc c'est vrai que ça fait un peut-être double emploi et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas sa place aujourd'hui. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut peut-être avoir un booking ou une scénarisation qui est plus originale que toujours vouloir sortir un peu le face demi-teinte. Ceux qui n'aiment pas quand on parle trop, tu vas beaucoup aimer notre premier du classement, c'est Shinsuke Nakamura avec 17 points, il explose les scores. Bravo Shinsuke, bravo. 2 points de Giscal, 3 points d'IRM, 3 points de ringside, 3 points d'armbar, 3 points de ma part, 3 points de 2 points de Raph. C'est la folie, c'est la razzia pour Shinsuke. Est-ce que la grande question est-ce que c'est que de la faute de la VVE? Non. Parce que depuis qu'il a fait, il a commencé très fort contre Sami Zayn à NXT et depuis il arrête pas de faire bien. Sauf que là ça va un peu mieux depuis les Survivor Series et tout, mais il a plus l'air de s'en foutre. Il est pas concerné, non, c'est très décevant. C'est pas la WWE qui fait des matchs de merde et attention jusqu'à le booking il reçoit quand même des directives et des choses comme ça hein, c'est pas la même chose. C'est Vince qui lui dit mollo sur tes coups de genoux hein, mais pas trop d'impact hein, et puis vas-y tranquille vas-y tranquille quand même parce que ce serait dommage que t'aies l'air un petit peu trop stylé dans le ring là, donc doucement. Non, je pense pas, quand on signe un mec comme ça a priori il avait été signé en grande pompe, c'était censé être la nouvelle star, machin. Donc, vu sa trajectoire, il s'est creusé sa tombe tout seul. C'est pas possible. Non, ils l'ont booké à NXT. Ses matchs, c'était que du selling. Il faisait que vendre. Il se faisait malmener tout le match. Ça, tu vas pas me dire que c'est lui qui le décide. Ça, c'est on lui dit pendant le match, tu vas bouffer et tu vas revenir en fin de match. Il est booké de la même manière que John Cena. Après ça, quand il se lâche un peu, il dégomme la tête de Austin Harris. Il a failli tuer John Cena. Ouais. Donc maintenant, le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il est dans le main event. Il faut pas qu'il se lâche trop parce que sinon il va blesser quelqu'un. C'est le nouveau, il est toujours populaire. Les gens sont contents quand il fait 2-3 trucs pourris. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il se casse la tête à faire plus? Il aurait pu faire mal. C'est là qu'on voit la différence entre le catch de la WWE nord américain et ce qu'ils peuvent proposer au Japon. C'est pas le même produit et c'est pas compatible. On verra peut-être avec Hideo Itami ce que ça peut donner parce que il arrive à avoir un catch qui fonctionne un peu mieux parce qu'il est beaucoup plus petit. Mais en tout cas, je pense que ça va être un cas d'école. Shinsuke Nakamura, c'est pas la peine de faire venir les Japonais à la WWE, leur catch est pas adaptable, tout simplement. Donc, Et Asuka, elle y arrive bien à se faire adapter. Asuka, c'est le catch féminin, c'est encore différent. T'as beaucoup d'Américains qui ont cartonné au Japon et à la WWE, là, donc c'est... Oui, mais l'inverse, tu peux aller au Japon en catchant, en ayant appris le catch aux États-Unis ou sur le circuit indépendant. Quand tu vas au Japon, tu peux te lâcher beaucoup plus. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sur les filles, elles s'inspirent beaucoup du que ce soit Sasha Banks ou Bayley, les Four Horsewomen, elles s'inspirent beaucoup de ce que font les catcheurs japonais, par exemple dans la division Cruiserweight à la New Japan. Dans les matchs de légende entre Bayley et Sasha Banks, il y a énormément de spots qui étaient calqués sur ce que faisaient les Japonais. Pour se faire remarquer, les filles, elles ont dû sortir un catch qui ressemble à ce qui se fait dans les divisions Junior Heavyweight au Japon. C'est pas la même logique sur le catch des heavyweight de la WWE qui de toute façon est plus sur la scénarisation, les gimmicks et puis des grosses prises. Il y a un selling qui se fait pas au Japon sur les prises que si on faisait la même chose aux États-Unis vous comprendriez pas quoi. Après des grosses prises le mec se relève, il continue le match comme si de rien n'était. ça fonctionnerait pas forcément aux États-Unis. Mm. Ah oui, j'ai vu, là, le match contre Ibushi, là, Nakamura Ibushi. À un moment, Ibushi il nocelle juste avant la fin du match, mais j'étais là en mode, mais est-ce que, enfin, c'était prévu, c'est pas possible de réagir comme ça, quoi. Il s'est fait prendre un coup de genou dans la nuque et le mec il se relève tout sourire. C'est ça. Ouais, non, c'est pas le même genre de catch. Et Nakamura, si tu veux le faire catcher comme John Cena, bah, il va catcher comme John Cena. Mais il va pas faire plus, quoi. C'est pas dans son intérêt à lui, puisque de toute façon ça suffit au public américain quelque part. Il est pas non plus, les gens le huent pas Nakamura pour l'instant. Non, c'est comme dans il a toujours une over. Il est toujours over comme c'est pas permis, alors qu'il a pas montré grand chose. Dolph Ziggler a raison, hein. Le mec c'est une entrée, un costume et de la gueule, et les gens adorent. Voilà. Ça marche. Bon, il n'a pas eu ceinture, mais non roster. Mais bon. Après ce passage géopolitique... Un petit point sur le chat, hein. Voir ce que nos éminents disent. Vas-y. Voilà, l'avis de nos chers... S'il y a des réactions. Ouais, donc il y a Sam et Richard qui pensent que donc, c'est les Canelis qui sont les arrêtés les plus nazes. Voilà, avec une petite mention pour Teddy Inger au milieu. Guillaume qui dit, mais il était parti, Kane, en fait. Voilà. il arrive. Il n'est jamais vraiment parti, hein. C'est ça. Et on a aussi Guillaume qui nous dit que Finn Balor peut pas bosser son personnage et ses promos parce qu'il doit sculpter ses abdos. Voilà. Ouais, il a plus de boulot, hein. Il est premier, un premier au top 25 des abdos, Finn Balor. C'est ça. Et enfin, Richard, bravo. Richard nous confie son pire moment en 2007. C'est Itami. TJP qui fait un dab en 2017, quoi. Merde, c'est difficile. Ouais. Non, moi j'aurais mis TJP dans le ring en 2017. Et donc, il savait même pas qu'il était dans le ring encore. Oui, c'est il est caché. Il est encore là. Au début de l'année, il devait y être encore de temps en temps. On va passer donc du coup à ce dernier award, donc du coup des awards de la folie originaux, tout ça. Award Ed Sheeran, sponsorisé par Spotify, du mec qu'on ne peut plus voir à la WWE, le mec qui vous insupporte, celui qui est là quasiment toutes les semaines, on n'en peut plus, il fait toujours la même chose, un truc du genre. Le classement, ça commence avec la 6ème position. Alors il y a des gens qui ont voté un peu n'importe quoi, hein, alors donc ce jugement de valeur. Ouais, tout c'est encore pour moi ça. Ouais. non, c'est pas moi. Goldberg. je vais les citer. Goldberg. Non, Raphaël est pas allé jusque là. Bon alors je vais tout de suite. J'avais dit que c'était disqualifié, c'est IRM qui nous a mis toutes les intervieweuses post-match. Hein. Non, mais pourtant ça vient. Moi, je suis encore avec IRM. Ouais, il y en a marre de ça. Il y en a marre, c'est pas possible. Mais c'est pas une personne en particulier. Là, il y a Dasha Fuentes, il faut en choisir une. Eh ben, celle que tu veux. Bah, Dasha Fuentes, alors. Fuentes, ouais, c'est la pire. Chiot de Dasha Fuentes. C'est la pire. Voilà, super, tout t'achat. Le monde est content. Elle a eu qu'un point, vous auriez dû tous voter pour. Enzo Amore. Qui c'est Donc, du coup, c'est Monsieur Armbar. Ouais, Enzo Amore. Horrible. Très bien, Enzo. Horrible. Arrête, comme un disque. Parfait, c'est un disque rayé qui fait les mêmes blagues quand il est face et quand il est heal. Voilà, c'est juste chiant, quoi. C'est un tuner. Je comprends pas. Non, mais. T'as jamais mis des néons de badcast, toi, ça se voit. Hein. C'est pour ça, voilà. Ouais. C'est pour ça. Je mets pas de léopard, je mets pas de nom badcast et je suis pas du fucking New Jersey, bordel de merde. Voilà, quoi. Voilà. Le mec, il s'est pas catché. On nous salope la division Cruiserweight qui était dégueulasse. Ouais, mais on n'est pas au Japon ici, Amiral. On s'en fout. Attends, pas besoin de catcher. Eh, les gars, on n'est que 6ème. Hein, si on met autant de temps sur chacun. Mais on a le temps. Arrête. Ouais, le 26. Ah, là. Voilà. Bref. Je vais me contenir, je ne vais rien dire. Byron Saxton. Byron Saxton, donc ça c'est Gisquel qui voulait voter pour quelqu'un au hasard. Il a mis Byron. Ça aurait pu être Fuentes. Non, de Byron. Ça aurait pu être Fuentes, mais ce sera Byron pour moi. Non, moi j'en ai marre de Byron. Il est venu, il vient nous faire chier à SmackDown, il vient faire chier à Raw, il fait chier Byron. Là. Moi je ne veux plus le voir lui. D'accord. Voilà. Surtout de ne plus l'entendre. Oui, de ne plus l'entendre, mais le voir non plus, parce que chaque fois il nous sort des combos cravates costard improbables là. À la Fashion Police. Avec des cravates jaunes sur chemise noire ou des trucs magnifiques là. Non, c'est Byron, c'est à poubelle. Moi je serais plus pour virer Michael Cole. Hein. Non, Michael, il est bien, Michael. Ouais, mais ils peuvent pas parce que. Here comes the big dog. Ringside, ils vont pas livrer parce qu'en 2018, il y a une Solène qui est prévue où Adam Cole annonce que son fils caché, c'est Adam Cole bébé. Donc, du coup, voilà. passage de flambeau, tu vois. Vintage Cole. Ah merde. Mon fils. Ah, ça serait drôle de voir Michael Cole bébé. Bon. Après, c'est ma fameuse idée booking. Cinquième, René Young. Je sais pas pourquoi. Alors là, franchement, la haine de René Young. Ça aurait pu être Fuentes, hein. C'est Alors Irène, non, mais au lieu de faire le maintenant, styliste de René Young, René Young, elle était parfaite, elle portait la tête et les épaules Talking Smack qui était injustement annulé, qui était probablement le laboratoire le plus intéressant pour SmackDown. Beaucoup de rookies SmackDown ont fait leur gamme là-bas, ils sont un petit peu entraînés, notamment pour les promos. Baron Corbin, Chad Gable, même les Uso qui ont illuminé Talking Smack. Donc je profite de ça. Aiden English et Rousseff faisaient des bonnes promos aussi. Ouais, ouais. Donc j'en profite aussi surtout pour saluer mon chapeau à cette émission qui malheureusement nous a quitté trop tôt. Un petit ange parti trop tôt. Oui, voilà. Et René Young, du coup, bah oui, effectivement, elle paye pour tout le monde. Elle paye pour toutes les Fuentes et les. pour toutes les. Je sais pas, les Fuentes, les non-names. En fait, t'avais retenu qu'un seul nom, c'est ça? Non, mais elle est insupportable en intervieweuse, là. Je sais pas, un air condescendant et tout. Enfin, je sais pas, elle a pas trouvé son perso. On a l'impression qu'elle est un peu blasée de la place qui est la sienne aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, elle a perdu pas mal de temps d'antenne, donc voilà, elle me saoule. Et l'autre nom, c'est Jason Jordan, Giscale qui ne veut plus voir Jason Jordan sur sa télé. avec deux points. Deux points, c'était ça ? Oui, deux points. J'ai mis deux points. C'est deux points. Quatrième, c'est Bray Wyatt et Big Cass. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Si je me suis trompé entre le cinquième et le quatrième, c'est pas grave. Donc Bray Wyatt et Big Cass avec 3 points. Bray Wyatt, c'était moi avec 2 points et Ringside avec 1 point. Et Big Cass, qui a voté pour Big Cass? Et ben c'est Ringside. Ah oui, Big Cass, Ringside a une haine incroyable. Viscérale. Ah, il le déteste. À chaque fois que je parle de Big Cass dans le Talking Catch, Talking Smack, je ne sais plus, le Talking quelque chose. Ça, c'est ce que je pense de Big Cass, tu vois. Alors, on va essayer de garder ça PG. Non, mais on est démonétisé au bout de ça. Il n'a pas beaucoup de talent, il n'est pas très bon au micro, et il s'est blessé comme un abruti sur une prise que personne ne devrait faire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont autorisé à faire cette prise-là. Complètement idiote, là son big boot par-dessus la troisième corde, c'était évident qu'il allait se blesser. Il s'est blessé et puis il est mauvais en tout. Et bon en rien. Voilà, il est bon en rien. Voilà, sa place c'est avec Titus O'Neil dans le Titus Worldwide. On a eu le 30e, on rappelle. Oublions-le. Le top 3, ça commence en 3ème position avec l'homme qui apparemment ne pourra jamais se faire aimer de tout le monde, c'est Roman Reigns. Qui a voté Roman Reigns? Qui a mis avec ça? Avec 3 points et 2 scandale. Points. Scandale. Raph, c'est, avec la webcam, c'est inversé. Mais voilà, c'est Roman Sucks. Ouais. Je quitte le ski. Ah, voilà. Giscale s'en va. Voilà. Il met sa menace à exécution. Jusqu'à oublier. Hashtag FTRR. Bon. Ouais. Pour cette année, Roman Reigns. Ouais, c'était horrible. On a encore tout fait. On lui a fait battre Undertaker. On lui a fait battre Cena pour que Cena fasse le passage de torche. On a reformé le Shield juste pour lui ramener un peu de la pop. Merde, quoi, ça suffit, quoi. Et on sait qu'il va être au main event de Mania. Enfin, c'est non. On a reformé le Shield pour se battre contre Miz et le Mistourage. Parce qu'il se met le chaos. Ouais. C'est une alliance contre une force du mal. Oui, absolument. Quel retour du Shield. Ah, magnifique, hein. Ouais. Ah, c'était. Wow. Ah ouais, bravo les gars. Hein. Des affiches de rêve là qui se préparent. Les otites, un mec blessé pour 9 mois. Putain, ça c'est la loose. Hein. Kurt Angle. Ouais. Un Kurt Angle, Triple H qui brise le kayfabe. Attends, bravo les gars. Qui était blessé pour 9 mois là? Dean Ambrose, blessé pour 9 mois. Ah oui, mais ça c'est. C'est un tir du Shield, donc il compte quand même. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec Maxence. Non, mais Dean, il peut courir sur le ring, ça fera pas de différence. Je rigole. Deuxième, que je ne spoil pas, c'est... Non, c'est facile à deviner. Jinderman. Oh là là. Oh bah ouais, je me casse encore. Ça, c'est des mecs qui regardent pas SmackDown, ça. Ah bah, tu vas avoir du mal, là, parce que plus on monte dans, plus on monte dans le top, plus... Il est que deuxième. Alors oui, il est que deuxième. Parce qu'il y a, une grande surprise. À la... Enfin, une surprise. On va dire, il y a quelqu'un qui s'est fait haïr dans le dernier mois, là... très, très violemment, je pense, qui remontait dans le podium. Enfin bref, Jinder, c'était qui a voté pour... Et bah, c'est 2 points de ringside, 3 points de Raf et 3 points de ma part. J'ai même pas mis en... Ah, maintenant j'ai mis casse. Donc voilà, en clair, c'est un peu celui qui nous. Moi, c'est celui qui m'a fait pas regarder SmackDown en fait. Genre, Vraiment. Mais même pas pour faire genre ouh là là. Pourtant il était plutôt caché hein, dans SmackDown finalement hein, parce que il faisait toujours les mêmes promos. Ouais bien sûr mais tu savais du coup où c'était toujours au milieu donc c'est la pub quoi. C'est vraiment tu vas pas le voir. Enfin bon et donc l'homme qui a réussi à s'attirer les foudres de tout le monde je pense ensemble seulement 2 mois hein, environ mais c'est Shane McMahon avec 9 points Shane McMahon qui était un peu le chouchou un peu le GM qu'on aime beaucoup à WrestleMania contre AJ Styles hein, c'était tout le monde était content Shane super et puis finalement il est devenu un personnage insupportable. On a 3 Giscale donc 3 points pour de Giscale, 3 points d'IRM, 2 points de l'amiral de Raf, la team SmackDown, parlez-nous de votre souffrance, votre douleur. Ma chaîne, déjà, c'est toutes les semaines un récapitulatif de 15 minutes de ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc, déjà, vous pouvez pas y couper, déjà, c'est minimum. C'est de la chip-hop, c'est un mec qui est en transpiration, en continu, c'est un mec qui arrive pas à vraiment maîtriser la foule, d'où les chip-hop, justement. Il a pas le talent de sa sœur, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il va pas réussir forcément à rediriger. Il faut vraiment bien regarder ses promos et il subit la foule plus qu'il ne l'utilise. Ce qui est un peu chiant pour un mec qui fait les ouvertures de show toutes les semaines. Et puis c'est un mec qui a bénéficié. Alors effectivement, dans les gros pay-per-view, c'est souvent gage d'un match au moins très divertissant. Pour autant, il a quand même eu des faits d'armes un petit peu, je trouve. Too much quoi, notamment sa survie face à Kurt Angle dans les Survivor Series qui était vraiment too much quoi, comment il a pu, c'était jusqu'à qu'on avait parlé, comment il a pu out-wrestler Kurt Angle, médaille olympique et tout. Voilà, et puis c'est un personnage pas forcément bien maîtrisé même si voilà vers la fin de l'année il y a des choses beaucoup plus intéressantes grâce notamment à cette rivalité avec Daniel Bryan qui semble enfin se décanter, mais ça et Kevin Owens évidemment ouais voilà. Non mais bon, on le voit trop. C'était la Ward et on le voit trop, donc je trouve que c'est un bon vainqueur. Ouais. Mais je ne commenterai pas plus parce que je suis encore... Merde. Tu reconnais ce son. C'est le moment où Ringside part dans son coin. Ah oui, l'écran s'était... Il essaie de se cacher. Ouais, j'ai mis Shane McMahon à la place. Je lance le randomisateur. C'est Giscale. Ah oh, bah oui, Giscale, tiens, oui, comme par exemple. Je vais pouvoir chanter le générique. Chante, Giscale, chante. Alors c'est vraiment pendant 5 secondes, hein, on est gentil. Hein, c'est le générique de Bailey. Et oui. Ah. Il l'a fait l'an dernier déjà. C'est vrai. Bah oui. Bah tant pis. C'est vrai. Allez, jusqu'à 5 secondes de Bailey. C'est parti. Attends, c'est. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Franchement, j'ai reconnu tout de suite. Merci, Irem. De rien. J'aurais préféré faire celui de Jinder. Ça, c'est un vrai catcher. Ça, c'est une vraie superstar. Alors, Amiral, est-ce qu'il y a des mots? Oui, bien sûr. Alors, sur effectivement le superstar qu'on a vu plein de fois. Donc, il y en a qui disent, Sam qui parle de Ellsworth. Hein, bah, ça tombe bien parce qu'il ne sera pas là en 2018. Hein, au moins, tu es content. Maxence qui nous dit Booker T et Saxton. Ouais. Voilà. Hein. Et Maxence qui rajoute vivement que Saxton aille à Impact Wrestling. Visiblement, il a des infos qu'on n'a pas. On nous parle aussi de Big Cass, hein, Maxence et Richard qui disent que Big Cass mérite bien le haut du panier. Alors attention, Richard, il y a Max qui commence à critiquer aussi Charlie Caruso sur le chat. Enfin, ah oui, non, qui, ça ne pas, mec. Ça peut être Fuentes. Hein. Non, non, on a dit que c'était Fuentes. C'est Fuentes, pas Fuentes, Caruso. Voilà. Charlie, René, merde. Pas mal de gens qui s'insurgent à notre choix de Jinder. Hein. Jinder a assez fan, visiblement. Exactement, mais oui. Jinder, Jinder. De la famille Giscal. Jinder. J'ai ramené tous mes cousins sur le chat. Merci les gars. Giscal, pourquoi tu fais le salut nazi? J'avais un problème tous. Hein. Et non, c'est vrai, on dit aussi dans le chat, effectivement, Jinder qui fait le salut nazi. Hein, donc c'est Richard qui le note. C'est un peu quelque part. Là, au début, je me suis fait what? Comment ça? En fait, tu peux même plus saluer un mec que tu connais dans la rue, quoi. C'est forcément un salut nazi. On est parti. Quand il... Si tu le fais comme ça en claquant les talons, oui, ça fait enfin, mal. Bon, salut. Bah quoi, c'est indien? Kamura qui est japonais, on sait qu'il est nazi, puisque les nazis étaient les alliés des japonais, donc c'est bon. Mais... Ouais, voilà, ça, c'est ça, bon. Salut. Et en plus, ouvrez vos livres d'histoire. Tu peux le transformer en delete à tout moment. C'est vrai. bref. On passe. Attendez que je mette un générique. Voilà. c'est le jeu des shoot la promo. Shoot la promo. Donc du coup, c'est le premier mini-jeu de la soirée. C'est pour un peu pour faire une transition entre les catégories. Je vais vous citer 10 extraits de promo. Donc du coup de la WWE. Au début je voulais faire de l'année mais c'était trop compliqué. Bref, c'est des promos de la WWE qui sont généralement connues, certaines un peu moins, mais c'est plus... Bref, la phrase est facile à deviner. Vous devez crier shoot dès que vous avez la bonne réponse. Shoot. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle shoot la promo. Par contre, si vous avez crié shoot et que vous avez pas la réponse dans les 3 secondes, vous avez moins 1. Et du coup, si tu donnes le nom de celui qui a la parole, parce que c'est un vrai bordel hein, sinon. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Dès que le premier, j'entendrai le premier shoot, je dirais c'est telle personne. Ok. J'espère qu'on a. Petit adieu au micro de l'amiral. Ah, c'est son micro, le petit truc qui dépasse. Ah. Je vais annuler. Oui, désolé de gâcher tes. Ouais, j'avais une histoire de super banco, mais c'est trop compliqué. Voilà. Donc. Super banco. Alors. Ça se conduit trop bien. Mais il y a un intérêt à gagner ce jeu, puisque le grand gagnant de ce jeu aura le droit de présenter l'émission Raw ou SmackDown ou Talking Catch de son choix en janvier pour la semaine qu'il veut, ou être l'invité, si vous êtes un gros flemmard, être l'invité de l'émission que vous voulez. D'accord. On les connaît, les gages. Hein. C'est ça. Ouais, moi, je veux bien, en fait, c'est pas une récompense. Si l'invité, c'est plutôt une récompense. Oui. Hein. Donc bref. Dit, alors, si jamais je gagne. Vous avez une place là où vous voulez, dans l'émission que vous voulez, sauf celle des pay-per-view. Ça c'est le deuxième jeu. Que les weekly. Bref. Heureusement qu'on s'offre pas de cadeaux entre nous, hein, parce que là la gueule des cadeaux dehors, qu'à Noël. 10 mètres de fil barbelé. Je vous merde. 5 heures sur cette putain de fille. Bon. Première promo. N'oubliez pas, vous criez shoot. Et si vous n'avez pas la réponse dans les 3 secondes, oups, -1. Donc, continue à embrasser des bébés et prendre des filles obèses dans tes bras. Je serai dans une gym quelque part à m'entraîner et à penser à la raclée que je vais te mettre à WrestleMania. Shoot. Ouais. Brock Lesnar qui dit ça à Goldberg. Non, Raphaël. Ah, continue à embrasser des bébés. Qui dit ça? Mais shoot. Denis. Ouais. Dolph Ziggler à Dean Ambrose. Non plus. Il n'y a pas eu Dolph Ziggler Dean Ambrose à Mania. Ah, mais c'est pas cette année, c'est vrai. S'il reste que 2 personnes, après je donnerai un indice. Attends, tu m'as dit c'est cette année ou... Non, non, c'est pas que cette année. Ah. C'est-à-dire, tu peux la refaire, c'est pas que cette année. Non. Ah, vous comprenez. Donc, ah, bah, je la refais, tout le monde peut participer. Continue à embrasser des bébés et prendre des filles obèses dans tes bras. Je serai dans une gym quelque part à m'entraîner et à penser à la raclée que je vais te mettre à WrestleMania. Shoot. Ouais. L'Iron Check contre Hulk Hogan 1973. Shoot. Ouais. The Rock à John Cena. Pas loin, mais non. Ah, John Cena, The Rock. Ah, John Cena. Putain. Quoi ? Eh bien, non, John Cena qui, que la personne parle. Shoot. Shoot, shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot. Alors, c'est Armbar, je crois, en premier. Putain. Le Miz à John Cena ? Non. Shoot, shoot, shoot, shoot. Ouais. Bray Wyatt à John Cena. Non. Oh, putain. John Cena à John Cena. Alors, je vais vous donner... Ah, c'est pas con, ça. Mais il s'est mec... pas vu. Mec qui fait du cinéma. Du Shoot, shoot. Ouais. Batista, non ? Oui. Un point pour Batista. Putain, mais c'était un point pour... Et moins 10 pour tous les autres. Batista en 2009, en feu contre John Cena. Sur la route de Mania. Même fils. Sur la route de Mania. Alors, un point J-School. Deuxième citation. Je sais pas si tu te souviens, mais avant le logo de SmackDown avait un point géant et je me disais mince, SmackDown ils sont vraiment passionnés de fisting. What? Eh, on a dit un truc. Les et meilleures non, années sont derrière nous quand même. J'ai jamais entendu ça. Ça date de pas longtemps. Ça. Ça date d'il y a pas longtemps. Ouais. Alors, je sais pas. Shoot. Cena. Non. Au Rock, c'est passé à la télé, ça. Quand même, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais avant, le logo de SmackDown avait un point géant et je me disais, mince, SmackDown, ils sont vraiment passionnés de fisting. Il doit y avoir le Rock là-dedans, non ? Shoot. Il faut des indices, là. Attends. Ouais. Qui a dit shoot ? Ouais, ouais. Ah, ring. Page ? Non. Merde. Page et Xavier Woods. This is my fist. C'est oui. Vina Wentz. Non. C'était pas très loin. Ça va être très facile. C'était un catcher qui n'est plus catcher depuis pas très longtemps. C'était quoi ? Qui a dit shoot ? Moi, mais avec le nouvel indice. La catcher retraité. Retraité. Daniel Bryan. Retraité. On peut pas dire des choses comme ça. Non mais c'est Ringside. Bon, je vais donner le point à Ringside. Vous êtes pas foutu de prendre ça. Daniel Bryan. C'est Daniel. Mais c'était Daniel Bryan. C'est quand même simple. Il a dit ça, Daniel Bryan. Ça, Daniel Bryan, dans Talking Smack. Ah bon. Voilà, on aurait dû. Là, c'est la honte. Là. C'est la honte pour nous. Attends, comme quoi, comme quoi, ils n'auraient jamais dû annuler. Ah ouais, Smack, putain, hein. C'était le bon j'assouplis, temps. J'assouplis les règles parce que voilà, sinon. Donne-nous des indices que tu vois qu'on commence à caler. Alors, je vais en donner plus rapidement. Troisième citation, il est temps de prévenir les sœurs Bellas, le talent n'est pas sexuellement transmissible. Shoot, shoot, shoot. Shoot. Shoot. Jerem. Hey, Jelly. Oui. Oui, bien joué. Bravo. On va pas être dans la merde si tout le monde a un seul point à la fin. Non, c'est Patch qui va c'est l'être. C'est la team SmackDown qui mène. Ah, il y a pas de... Non, mais il y a pas de... Les gens trouvent dans le chat. Les gens trouvent... Non, les gens ne trouvent pas dans le chat. Non, pas. Pas regarder. Parce qu'il y a Maxence qui répond Jinder à tout. On m'écoute, ça va aller très très très vite celle-là. J'aurais aimé que tu meures dans l'utérus. Oh, oui, j'aurais... attends. Que tu meurs dans. Oui, Ring. Nikki Bella. C'est Brie. Là, je la donne. C'est Brie. Ah oui. C'était Brie. Ah oui, le fratricide, sœuricide. C'est Brie la méchante. Incroyable. C'est dur ça. C'était terrible, hein, des mots durs. Des mots durs, dans la bouche de deux femmes aussi douces. Ouais, Cinquième citation. Si vous mettez la lettre S devant Hitman, vous avez mon opinion exacte de Bret Hart. Shoot. Je sais pas, HBK, j'en sais rien. Non. Si shoot. Vous... Vince McMahon. Non plus. Non, shoot. Stone Cold. Qui a dit ça ? Moi. Et Yaram. Un point pour Yaram. Oh. Et Stone Cold Steve Austin. Sixième citation. Je vais m'occuper de cet animal puant, graisseux. Non, je vais m'occuper de ce puant, graisseux et méchant animal et je m'occuperai aussi de toi, Rhino. Ah oui, attends, si, c'est juste. Dans le contexte, c'est très très drôle. Je vous le donnerai juste après. Shoot, Heath Slater. Shoot, Bray Wyatt. Non. Shoot, Tommy Dreamer. C'est pas récent. Tommy Dreamer. Non, un indice. C'est un homme, un symbole du millénaire. Shoot, Y2J. Ah non, j'ai dit shoot. Ouais. Genre, c'était trop facile comme indice. Ouais, trop facile. C'était Chris Jericho parlant à Stéphanie McMahon. Tu peux tous nous donner le point, là, du coup, hein, vu l'indice. Ouais. Tout le monde a gagné, tout le monde est gagnant. C'est super, ouais. Ça, comme réplique. Celui-là, il va aller très très vite. Tu veux lire le texto de ma sœur Chéline? Tu veux lire le texto? Shoot, il y a besoin d'un replay là, j'étais pas en train de. Non, j'ai dit shoot en premier. C'est moi. Ringside, qui a dit shoot en premier? C'est Giscal. Je suis pas Giscal. Ça y est, il est bourré. Il dort, il dort. Derrière ses lunettes. Non mais j'ai pas vu, il me semble que c'était soit Giscal, soit Amiral, mais... On verra au replay. Bonne réponse de l'Amiral. Cher Raphaël, il y a de la latence depuis le zoo de Beauval. Là. Je mets un point à Giscal et l'Amiral en même temps parce que je les ai entendus. Et 8ème, personne dans le roster de Raw ne peut te supporter et c'est moi qui te le dis. Dans le sens... Le Miz. Enzo Amore. Ringside, incroyable. Ringside à Enzo Amore. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ringside à Enzo Amore. Ringside à Big Cass. Ouais. Ringside à Big Cass. 9ème citation. Vous saviez que Finn Balor, c'est même pas son vrai nom? Shoot. Seth Rollins. J'ai cru que tu nous annonçais un truc. Ouais, moi aussi, on joue toujours là. Moi j'essaie d'aller vite. Et 10ème citation, tu vas essayer aussi dur que possible de faire ta place ici, mais si t'y arrives pas, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute, hein, parce que je t'ai enterré. Shoot. C'est John Cena, ça, non? Oui, John Cena et AJ Styles, le 24 janvier, à SmackBooze. Bravo. C'est un point pour Giscal. Nous voyons les points, donc ça fait... un point, 2 points pour Giscal. C'est tout. Nous pas terrible, non. Je pensais que j'en avais 3. Il gratte. Moi j'aurais dit 4. Pour Ringside. Ah. Nous avons pour IRM 1, 2, 3. Et 3 points aussi. Oh. Ah. J'ai que 2 points, moi. Ouais. Parce que t'es nul. Oui, parce que tu as été nul. Non, tu es nul. C'est pas au passé. un point pour Raph. Donc, du coup. Et l'amiral, il y a combien? L'amiral, il a eu combien, ouais. L'amiral, t'as joué l'amiral ou pas? Oui, et on a un point pour l'amiral aussi. CM Punk. Il y a un point pour l'amiral sur le CM Punk. Oui, Donc c'est Yerem ou moi qui présentons un épisode de Catch Up, c'est ça? Exactement. Parfait. Bravo les gars. Ben, bien fait. Si tu veux, jeudi midi, je suis dispo pour SmackDown. Non mais j'avais prévu normalement une autre citation mais je l'ai pas là donc c'est pas grave, vous présenterez une émission ensemble, voilà. Ah, j'en ai une moi. Qui a dit j'avais prévu une autre citation mais je l'ai pas là, c'est pas grave. Shoot. Bon, allez, les awards des shows et des segments. Allez, on continue. Ah, c'est mon award préféré. Moi c'est mon deuxième. Là, parce qu'on a plusieurs dedans. On est parti donc du coup pour le match weekly de l'année, donc le match à Raw ou à SmackBooze, lequel que SmackDown. C'était le meilleur, tout ça, SmackDown, oui. Alors, le classement, ça commence à la 5e, attendez que je me gourre pas, classement, ça se... Attends, on a le temps de toute façon. Oui, t'inquiète, on n'est pas passé. On a encore 2 heures. 26, Pepper. Ça fait un quart d'heure là, de toute façon, qu'on a commencé. Cinquième position, donc du coup, c'est Cesaro contre le Shield à Raw le 6 novembre. Ouais. Je ne sais pas qui a voté pour ça. C'est Raphaël. C'est avec l'intervention des Ouzo, le changement de titre. Ouais. La folie. Des New Day. Hein. C'est leur match. Le premier titre qui a changé là, après ils ont tous changé juste avant les Survivor Series, mais c'est le premier qui a lancé le mouvement, donc c'était la vraie surprise. Après, le premier domino. Voilà. Alors, quatrième position, c'est Rodri. Alors, il y a plusieurs matchs, hein. Il y a trois matchs en quatrième position, à deux points donc de vote. Roderick Strong contre Drew McIntyre à NXT le 4 octobre, ça c'est ringside, hein, je crois. Roman Reigns contre Braun Strowman Last Man Standing à Raw, ça doit être ça doit être moi, oui, parce que je le vois pas donc oui. Et Styles contre Dean Ambrose à SmackDown le 31 janvier, ça c'est moi, ça c'est Giscal et IRM, un point chaque. Je pense que j'ai dû faire copie contrôle c contrôle v, hein, bravo. Voilà, parce que c'est... Attends, l'image de merci Giscal d'avoir voté en premier en mettant les dates des... Non, moi j'ai vu. J'ai trouvé dommage qu'il ne soit pas représenté le Reigns Strowman, parce que j'ai trouvé que le Last Man Standing était vachement bien. Troisième, alors justement, moi j'ai joué la carte un peu l'arnaque, c'est-à-dire que j'ai mis 3 points sur genre le match que personne ne citait, comme ça il est bien placé. NXT. Oh là là là. Quel tricheur, mais quelle manipulation des votes. Ouais, oui. Oh, j'ai voté avec mon cœur, et mon cœur, il a parlé, et il a mis. Alors j'ai pas la date, Nikki Cross contre Asuka. Oui. En weekly à NXT, je ne sais plus la date, c'était un énorme match. Regardez-le. Deuxième de ce classement, donc du coup on a deux matchs parce que c'est des, oui d'accord, il y a beaucoup de monde dans ces matchs. Braun Strowman contre le Big Show en stage Raw du 4 septembre. Donc ça c'était ringside 3 points. Raphaël avec 3 points aussi. Voilà. Et ben on l'a commenté ensemble. C'est exactement. C'était un excellent match, un excellent steel cage match, un des meilleurs depuis des années à la WWE. Meilleur des sports. Et la cage après, à la fin, elle casse. Exactement. Et là, moi, j'étais comme ça. J'étais, pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est pas possible. Spoiler, bordel. On dirait qu'il raconte la fin du Titanic. Kevin Owens contre AJ Styles contre Chris Jericho pour un triple frit US pour le US Championship. SmackDown 25 juillet. Donc voilà, tout ça, ça a été voté par l'amiral avec un point, par Raphaël avec deux points et par IRM avec trois points. Le triple frit de la mort. Ouais. Les trois derniers changements de titre du titre US, ça a été dans des triple frit. Et c'était la dernière apparition en date de Chris Jericho pour le moment. Merci, la Marshall. Oui, avant qu'il nous quitte pour l'autre pays là, du fromage, le Japon. Il y a des moments où je me demande si c'est l'alcool ou si vous commencez à dire n'importe quoi. Bah non, j'ai jamais mangé les maquis avec du fromage au milieu là. Oh, barbare. Les pâtes japonaises. Gaijin. Ça fait. Et promis. Il y a du kiri dedans là. Un peu d'ordre s'il vous plaît. Le meilleur. Non, du kiri. comme dirait merde, comment il s'appelle le philosophe. Bref, premier classement, il y a deux matchs ex-aequo. Deux matchs ex-aequo. C'est deux personnes ont voté pour. J'ai voté pour les deux. C'est voilà. Non, mais laissez-moi parler deux secondes, s'il vous plaît. Ouais. Mais dis-nous qui c'est. Le... Dis-nous d'intervenir dans l'émission. Ça y est. Ah voilà, le stress. Voilà, le stress. Voilà. Ça veut faire des lives de deux heures. Ah ouais, et puis après, hein. Bon, on a le temps, relax. C'est ce qu'aurait dit ringside s'il avait été là. Ouais. Deux matchs pour le titre féminin, Bayley contre Charlotte le 13 février à Monday Night Raw, 7 points. Et le match pour une place pour le Lacey Contender triple threat match de la mort, Miz contre Balor contre Rollins à Raw le 1er mai. Donc voilà, deux matchs qui ont récolté 7 points. Que ceux qui ont voté Pour les femmes, c'était que je... Giscard avec 2 points, 2 points pour Ringside et 2 points de l'Amiral. Et ceux qui ont préféré Miz, Balor, Rollins, c'est y a eu Giscard aussi, 2 points, l'Amiral 3 points et IRM 2 points. C'est tout. Voilà, je fais consensus. Voilà, c'est tout. Après, moi j'ai copié-collé Giscard, hein, donc. Ouais, je me souviens plus du tout de ce triple threat là entre Baylor. Moi non plus. Ça a l'air super. Mais moi non plus, je suis allé voir. Eh bien, re-regarde-le. Il avait l'air pas mal. Il était excellent. Le meilleur triple threat de l'année. Par contre, les filles, encore une fois, un match excellent. Eh oui, match excellent. Bah, c'était le début de la fin pour Bayley. C'est, voilà, c'est elle a eu son sommet le 13 février. Elle a pris le titre et puis après, terminé. Ah, c'est dur. Peut-être le dernier grand match féminin de 2017. Alors, Amiral, un petit point sur le chat. Est-ce que le chat se repose ? Sur les chats, alors en weekly, on les a pris un peu en dépourvu, c'est compliqué. nous aussi, mais on avait deux semaines. Alors. Voilà. Il y a Richard qui nous dit le Kevin Owens contre Edge Styles contre Chris Jericho, hein, donc le triple threat, on a parlé plus tôt. Et Maxence qui nous dit Jinder contre Roman, contre Harper, contre Zayn, contre Ziggler, contre Mojo à SmackDown Live le 18 avril. Voilà. Mais il a raison, Maxence, c'est un homme de goût. On n'a pas mentionné la prise de titre, c'est vrai, de Edge Styles en Angleterre qui s'est retrouvé. On n'a pas vu du coup. Un weekly. C'est un weekly. Ah bon? C'est un weekly. Je pensais à contre Kevin Owens en fait. Au match contre Owens. Ça c'était un coup dur pour le Maharaja, ça. La presse a titré un coup dur pour le Maharaja. Coup d'arrêt pour le Maharaja? Point d'interrogation, on ne sait pas. Alors le segment ou moment de l'année. Donc voilà, c'est pour recommencer, tout sauf les matchs, hein. Normalement, tout sauf les matchs, mais voilà, les moments de l'année qui nous ont marqué, il y a 6 places sur ce podium, bien sûr encore avec quelques petites égalités. En 6ème position, Velvet in Dream contre Aleister Black, bon du coup c'est un match, mais bon, je laisse passer parce que c'est le Velvet in. Non, c'est moi qui l'ai mis, c'est pas le match, c'est le face-à-face où... c'est une partie du match. Ouais, voilà, c'est la phase quand Velvet in revient sur le ring. C'est ça, qui glisse et qui a l'impression qu'ils vont s'embrasser, et en fait, non. Et oui, une tension qu'on a ressentie à un moment ou à un autre en regardant ce match. C'est une excellente rivalité, hein, Velvet in Dream contre. Ouais. On en reparlera. Ce bon vieux Aleister Black. C'est vrai que ça me fait regretter de ne pas avoir mis rivalité dans le top. Mais bon. On peut pas tout faire. Samoa Joe piège Paul Heyman dans un coquina clutch. C'est Ringside qui nous a voté pour ça. C'est non genré, je crois, un coquina clutch. C'est une nouvelle fois une position sexuelle. Comme quoi. C'était excellent. Donc voilà, c'était un point. Et le retour des Hardy Boys à Mania, c'est Raphaël qui voulait mettre un petit point là-dessus. Quelle marque. Alors. Cinquième position. De quoi ? Quel pop. Pas... Ah oui, quel pop. Tout à fait. une autre pop moins. Peut-être moins impressionnante. C'est. Alors, ça, j'ai voté. Donc, du coup, vous le savez pas qui est en cinquième position parce que c'est moi qui ai voté. C'est William Regal qui annonce NXT War Games. Ah oui. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était particulièrement épique. La façon dont il a annoncé le truc. Non, mais ça, c'est vraiment du vol. Hein. Comment ça là, j'imite Adam Cole, hein, du coup, qui entend l'annonce de War Games. Baby! What the fuck? Il n'y a qu'une façon de régler ce conflit. Je vais ramener la bataille la plus violente qui n'a jamais été créée à la WWE. Vous allez vous battre. War Games. Hey, j'en ai un des frissons encore. Ah ouais, chair de poule. Donc voilà, c'était génial. J'ai raté ça. Ah oui, mais tu rates beaucoup de choses en n'aurant pas NXT. Hein. J'ai l'impression. Je sais pas pourquoi tu te fais violence. Mais je sais pas, il y a Jinder NXT ou pas parce que... Ah, il était passé à une époque. Hein, mais il était finaliste pour être le premier détenteur du titre face à Seth Rollins. Jinder, je regarde. Ah, mais t'as des mecs aussi pourris que Jinder, hein, y a pas de soucis. Hein. Quatrième position, on a les adieux du Taker à Mania, ça c'est Giscal. C'est que quatrième, ça. Ah bah oui. Ah, il y a eu tellement de trucs mieux que Giscal qui a mis les 3 points, hein, qui a mis les 3 points, ouais, sur, les 3 points sur le Taker. Très, très ému. Et c'est Yerem qui a voté Sami Zayn intervient à NNSL. Ouais. T'as mis aussi les 3 points. Ouais, j'ai mis les 3 points. C'est un tournant dans la carrière de Sami Zayn. À n'en pas douter. En tout cas, WWE. En route vers Et c'était très bien réalisé parce que vraiment, il le retire au dernier moment. C'est hors caméra. C'est bien foutu. Ouais. Eh bien, ensuite, nous avons une nouvelle fois une hégémonie de la team SmackDown, puisque c'est Kevin Owens qui frappe Vince McMahon. Alors bon, là, on a eu un vote, donc du coup, de Kevin Owens frappe Vince, deux points d'IRM et deux points de l'amiral. Ah, pareil, un tournant dans la carrière de Kevin Owens, n'en point douté. Pour la hanche de Vince McMahon aussi. Qui a bien tourné sur ce coup-là aussi, ouais. En effet. Ouais. Non, c'était un super segment, ça, franchement. Super bien amené. Une preuve s'il en fallait qu'il a toute la confiance de l'amirauté. Ah bah, y a pas et de l'amiral aussi. De l'amirauté. Et si j'arrive pas à vendre à Disney, ce sera grâce à ce segment qui est quand même atroce, où on tape un vieillard. Mais c'est génial, ça sera le bon point, justement. Non, mais ce qui est cool, c'est de voir le reportage qu'ils ont fait 365 sous l'année de Kevin Owens, qui va voir Vince après son match à WrestleMania, qui lui fait ouais, est-ce qu'on est ok? Et Vince qui fait non. Là, vraiment, on sent Kevin Owens, il s'effondre, quoi. Genre, ok, il est en désespoir total. Et de voir. Après ou 4 mois après, Vince lui dit vas-y, mets-moi un coup de boule et fais-moi un frog splash. Ça montre effectivement quand même. Il a repris la confiance de la direction, ça c'est cool quand même. Et deuxième du classement, Roman Reigns, post-mania, qui ne dit rien et qui entend les gens qui lui disent c'est une merde, ferme ta gueule, tu pues du cul. Et il attend 10 minutes. T'entendais bien, t'avais les bons micros bien placés toi. Il attend 10 minutes et à la fin. Il fait ici, c'est mon jardin. Ouais, en anglais, s'il te plaît. Arrêtez de marcher. À la Clint Eastwood. À la Clint Eastwood. This is my yard. Get the fuck off. Bref. Il dit this is my yard. Il pose le micro. Il drop le mic. Tout le monde croit oh mon dieu, ça y est, il est devenu edgy. Il est devenu super classe. Finalement, pas tant que ça. Mais en tout cas, c'était un beau segment. Je crois que j'ai voté pour celui-là aussi. Ça donnait tellement l'impression que ça y est, ils avaient enfin pigé le personnage de Roman Reigns. On est quatre à avoir voté. C'est ça aussi, moi, qui m'avait fait marquer comme un fou. C'est vraiment se dire oh putain, ça y est, ils ont compris. Ils ont compris qui est Roman Reigns. Et en fait, c'était juste un one shot, quoi. Ouais, malheureusement. Je rejoins parfaitement IRM sur cette analyse pointue. Oh bah on va le faire ensemble notre catch-up, t'inquiète pas. Les gens aiment se rejoindre. Et premier du classement, avec plus du double de Roman Reigns. Inévitable. C'est le festival de l'amitié, bien sûr. C'est le festival of friendship. Kevin Owens, Chris Jericho, un grand show, un acting merveilleux. Donc c'est un point de à part de Ringside de Giscal, hein, un peu radin. Tout le monde a mis 3 points sauf toi. Hein. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pour amitié Giscal, c'est pour ça. Ouais, non, moi j'ai mis les adieux du Taker. C'est bon, voilà. Hier m'avait pas mis. J'ai donné un autre Canadien. C'est la team SmackDown. T'as donné un Canadien. Ah oui, il y a Zayn. C'est bien déjà. Voilà. Alors, le Festival of Friendship, Raph, parle-nous-en. Pourquoi c'est le segment de l'année? C'était magique, parce que c'est la récompense, le summum, le best-of de tous les moments Jericho et Jericho qu'on a eu. C'était hilarant du début à la fin. Et puis avec ce switch final qu'on attendait, enfin qu'on craignait, mais on ne savait pas trop encore s'il fallait vraiment l'espérer, le craindre, le croire. Et puis non, mais on va garder dans la mémoire le fait que c'était le moment de rupture, mais tout ce qui s'est passé avant, Jericho était excellent. L'année dernière, il a été énorme, Jericho, dans tous ses segments micro, et là c'était le best-of, c'était vraiment le meilleur moment pour la fin, donc c'est ce qu'il fallait. Il fallait finir cette cette amitié par un truc de ouf qui correspondait exactement à tout ce qu'ils nous ont fait, donc c'est réussi. Est-ce que vous me suivez sur cette analyse? Complètement. Ah, merci. Ouais, c'est ça, on te rejoint tous, je pense. Ouais, ça m'a replongé dans, le, dans, ce, ouais. dans ce moment-là. Je suis à la fois triste et content de l'avoir vu. Toi. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est un beau mélange tellement voilà, d'émotions. De joie et de tristesse. Donc, si vous voulez continuer à apprécier Y2J, il faut aller regarder la New Japan. New Japan World, abonnez-vous. La seule qui en croisière aux Caraïbes. Ou alors en croisière aux Caraïbes sur cruiseofjericho.com. Les premiers prix sont à 567 dollars. Il reste encore beaucoup de place. Ouais, Maxence qui dit sur le chat, ouais, le retour de Gilbert aussi pendant le festival of Friendship. J'avais oublié ça. Il y a eu tellement de choses. Ce tableau merveilleux avec oh les là deux. Là. Sans slip, juste une écharpe. Juste une écharpe, une simple écharpe. Il n'y a pas de slip de magicien. Et pourquoi mon nom est sur la liste? Voilà. Pourquoi alors, Raph, par contre, Raph, je m'excuse, mais c'est la première disqualification dont je parle de la soirée, parce que t'as mis tous les segments total bullshit, enfin les les segments total belaz. Il fallait en choisir un. C'est horrible. Bah, qu'il en choisisse un maintenant. Tu sévères, Demande-lui de sévère, choisir maintenant. Demande-lui de choisir maintenant. De toute façon, il avait mis un point, je crois. Le premier. Deux, il avait mis deux en deux plus. Points. Que je suis d'accord, c'était quand même drôlement drôle. Maryse était incroyable. Bah voilà, ça méritait d'être mentionné, comme ça, voilà. Ça a été mentionné. Bah voilà. Voilà. Merci, Raph. Merci. Alors, un petit point, Amiral. Ouais, donc on a Sully qui nous dit sur le chat que son moment préféré, c'était Cena qui enterre Roman Reigns en promo. Hein, ça lui semble incontournable. C'est clair, ouais, t'aurais pu faire le top. Voilà, Big Dog, hein, c'est, ça paye une promo. Si tu veux le boss ici, il faut apprendre à le faire. C'était... scolaire. On avait derrière celui qui nous dit aussi son deuxième numéro 2, c'était Strowman qui soulève l'ambulance. Hein. Oui, on l'a pas mentionné une seule fois, ça. Non. J'ai fait tellement de bons moments. Ouais. Bah, Guillaume qui est d'accord avec la promo de Reigns post-WrestleMania avec ce quart d'heure de boue. Voilà. Et Maxence qui nous dit que la célébration de Jinder après son championnat, son arrivée en Brésil, c'était fabuleux. Ouais. Un homme de goût, décidément. Hein. J'ai un homme de goût, ouais. Et non pas de dégoût. Donc il y a un certain sens de l'humour. J'espère trouver un ami ce soir, c'est pas mal. Hein, c'est un festival de l'amitié qui se... Je trahis celui dans deux ans au festival de l'amitié et on en parlera. Toujours comme ça, on sait. J'ai envie de vous dire, I'm here to show the world, I'm here to show the world. C'est le trophée Dolph Ziggler, le trophée Show Stealer. Ouais. Le show stealer de l'année. Donc, j'ai été très large pour ce trophée. Hein. J'ai été un peu trop gentil. J'ai dit tous les matchs qui ne sont pas des main event dans les pay-per-view. Bien entendu, Giscard a pris tous les matchs de John Cena qui n'étaient pas en main event. Voilà. Heureusement, ça existe maintenant. Donc, voilà, oui. c'est-à-dire en fait en co-main event, mais bon. Allez. Donc, dans ce classement, nous avons en cinquième position trois matchs. On a le Shield contre Cesaro, enfin le Shield, donc Rollins et Ambrose contre Cesaro à No Mercy. Ça, c'était Ringside avec un point. Reigns contre Owens au Royal Rumble. Ça, c'était Raph avec un point. Et bon match, John Cena contre Roman Reigns à No Mercy. Très mauvais match. Ça, c'était Giscal, bien entendu. Quatrième position, c'est Authors of Pain contre DIY contre Revival à NXT Orlando. Deux points, donc, parce que un point de IRM, un point de moi-même. Et Uso contre les New Day. Hell in a Cell, deux points. C'était Giscal avec deux points. Donc voilà les tag teams en quatrième position. Allez, on passe au podium. On va un peu parler là. AJ Styles contre Shane McMahon. Ah oui, ça c'est moi qui l'ai mis. AJ Styles contre Shane McMahon à WrestleMania, j'ai mis trois points. Ah ouais, voilà. D'accord. C'est vrai. Ah ouais. Non, mais c'était un super match aussi, hein, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il catche bien le fichier du patron. Pour moi, c'est le meilleur exemple de show stealer de l'année parce que c'était le premier match de la soirée. C'était pour moi le... Enfin, c'est le... Oui, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Alors, ça m'a... Hank, revisionner l'analyse de WrestleMania et tu disais justement que finalement c'était Vince contre Triple H le meilleur match de la soirée. Donc tu n'es pas cohérent, n'est pas exposé en direct. Entre les deux, je bascule chaque jour. C'est ça le fact-checking. Là, ça n'oublie jamais, là. Là, c'est gravé, là. Et dans la roche. Deuxième du classement. C'est qui tu es ? Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Voilà, j'assume totalement devant la caméra, je vous le dis. John Cena contre AJ Styles en deuxième position au Royal Rumble avec 6 points. Donc, du coup. John Cena, AJ Styles, qui a voté pour ce magnifique match. Il y a eu 3 points de Giscal, 1 point d'Amiral, 2 points de Raph. Donc du coup, pour ouais, cet excellent match que j'aurais pu aussi mettre dans mon top 3. Mais en première position, Giscal, tu vas te rincer dedans parce qu'en première position, il y a du NXT. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Il y a Aleister Black contre Velvet in Dream au NXT WarGames. Et Pete Dunne contre Tyler Bate, et non pas Tyler Black. Hein. Qui a mis ça? Kerem a fait une petite coquille. Coquille à clutch. Coquille à clutch. Lâche la coquille à clutch. Donc Aleister Black contre le Velvet in Dream, cette magnifique rivalité et magnifique match. C'est 3 points de Kerem, 2 points de Ringside, 3 points de l'Amiral et 2 points de moi-même. Ah oui. Et Pete Dunne. Et Tyler Bate, NXT Chicago, c'est 2 points de Kerem, 3 points de Ringside, 2 points de l'Amiral, 3 points de Raph. Ouf, ah ouais. Donc, voilà. C'était finalement les NXT qui remportent qui show-style cette année avec deux normal. Matchs. Normal, oui, tout à fait. Hein. Deux matchs chamés. Aleister Black Velvetine, qui veut en parler Premier Amiral. Toujours, je prends pas des œuvres à en faire court. Non, c'est juste, vous l'avez pas vu. Matez-le. Une construction super simple. On en parlait peut-être de la faute de l'année parce qu'elle est simple à résumer. Elle n'est pas tirée par les cheveux non plus. Elle se comprend. C'est une bataille d'ego entre deux superstars badass qui cherchent leur place. Et surtout, c'est tout raconté dans le match et le ring en fait. Hein. Moi, je l'avais vu ce pay-per-view avec ma copine qui regarde pas le catch, qui avait pas suivi ce qui s'était passé avant. Et elle a compris toute l'histoire dans le match et la petite vidéo qu'il y a eu avant. Et c'était magnifique. De la haute voltige, de la psychologie, comme on en voit rarement. Et c'est bien dommage. Avec un alignement qui change, le public est tantôt pour Black, tantôt pour Velvet in Dream. Et une fin aussi, un payoff génial où il termine en disant voilà, profite de ta célébrité, Velvet in Dream. C'était juste magique. Voilà, effectivement, pas étonnant qu'NXT gagne cette catégorie. Il y a eu des matchs fabuleux, dont celui-ci qui est certainement le meilleur ou l'un des meilleurs avec ce match des Anglais dont on va parler juste ensuite. Ouais. Pete Dunne, Tyler Bate. Ouais. Bah tiens, vu que bon, je crois que Ringside en avait déjà parlé en podcast, mais Raph, toi, tu as voté pour ce match, non? Mais il a mis 3 points. Ouais, 3 points. C'est un super match là aussi. Ce que ça me fait penser en fait par rapport à ce que vient de dire l'amiral, c'est que si NXT a tant chaud stylé cette année, c'est aussi peut-être parce que cette année le main event d'NXT a été un peu plus décevant. Hein. Les matchs de Bobby Roode et Nakamura nous ont pas, trop enflammés. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était Balor contre Kevin Owens, c'était du très très lourd. Donc du coup, c'était en début de show ou en milieu de show que ça se passait souvent là dans les pay-per-view de la brand jaune. Voilà la petite remarque. Ah voilà, une analyse concise. Prenez mon modèle. Ah bah, non, et puis aussi un style, le British Strong Style là, qui se découvre moi sous mes yeux, hein, avec ses prises où il se tord les doigts, les finishers et les contres. Techniquement, on est proche du catch japonais. Hein. Et puis on s'est impliqué dans les personnages sans les connaître. Moi j'ai trouvé, oui. Et ça c'est que c'est réussi. Pete Dunne, quel charisme. Faut saluer le talent de la WWE d'avoir réussi à booker ces deux mecs hyper rapidement. Il y avait eu le classique, enfin le tournoi UK Championship où ils ont créé un monstre avec Pete Dunne en 2 jours. Et voilà, et les voir sur la scène du NXT TakeOver, faire le show comme c'est pas permis. Ces mecs-là n'étaient pas du tout connus avant l'arrivée de ce tournoi UK. Il y a eu un coup de projecteur exceptionnel de la WWE sur la scène anglaise. Alors la scène anglaise est excellente, Mais il faut bien se rappeler qu'avant ce tournoi hockey, le grand public était complètement aveugle à ce terroir-là qui est quand même assez exceptionnel. C'est en pleine dynamique, le catch anglais. Moi, j'ai lu beaucoup de gens qui critiquaient la WWE en disant « Ouais, ils signent les contrats des territoires indie anglais pour assécher le business, etc. etc. » L'effet est tout l'inverse. La progresse ou les shows anglais n'ont jamais aussi bien fonctionné que cette année. On a des stars qui sont nées. C'est l'histoire du catch qui se crée comme ça sous nos yeux sur cette année qui vient de s'écouler. Et ça donne des matchs qui sont quand même historiquement exceptionnels. Des talents. Le mec, il a que 19 ans, je crois, ce Tyler Bate là. 21 maintenant. 21 ouais. Maintenant, ok. Ouais, ça reste très jeune. Un peu. Il grandit si vite. Ils grandissent si vite, ils ont tout de l'avenir devant eux. Alors, on ne sait pas si le petit truquet, tout ça, on va arriver sur des émissions comme ils voulaient faire au départ. Mais en tout cas, là, on voit les expérimentations de la WWE quand même, qui ne s'endort pas plus que ça sur ses lauriers quand il s'agit du network et qui donne des choses exceptionnelles. Et voilà, quand on donne sa chance à des talents comme ça, voilà ce qu'on a comme résultat. Et je salue encore la performance de ces deux athlètes là qui sont quand même assez exceptionnels. Ouais. Et cri d'amour. Beau monologue. En plus. Ouais, si je vous emmerde, vous le dites. Hein. On a le temps. Hein. C'était pas cynique. Alors maintenant, on peut ringside, vous dévoiler, chers spectateurs, on peut vous dévoiler que Ringside est l'homme qui nous a rappelé, je sais pas combien de fois, que oh mon dieu, si on dépasse l'heure, oh là là, moi je m'en vais, oh. Donc voilà. On va dépasser l'heure. Ça va se passer. C'était très beau, Ringside. Tu devrais écrire. T'es le seul mec parmi nous qui sait que les shows des fédérations indépendantes en Angleterre ont vachement bien marché cette année par rapport à d'habitude. Ouais, donc c'était à toi d'en parler. C'était très bien renseigné. Hein. Moi, je savais pas. Oui. Tu vois. Du coup, moi, j'ai découvert la progrès. Je me suis abonné par rapport à ce que j'ai vu à la WWE. Et je pense que je suis pas le seul. Tu vois. Mais dans l'équipe de l'équipe si, ouais. Si vous avez pas le catch après on en a dans l'équipe qui sont même pas abonnés au network donc Ouais, alors ça c'est pas bien pas les noms mais alors on nous a empêché justement de faire une catégorie à cause de ça alors, non mais après quand tu veux acheter des places pour aller voir des shows en Angleterre tout est sold out. Tout est sold out. Réfléchis un peu dans ta petite tête d'abruti comme ça et puis tu dis ah bah c'est que ça fonctionne. Allez, on va y aller, hein. Le pay-per-view de l'année. J'ai pas fait le classement. Attention, c'est un point. Hell in a Cell, Survivor Series. Alors, Hell in a Cell, c'est Giscal qui nous a mis Hell in a Cell là. T'es vachement bien, Hell in a Cell. Merci, Giscal. Voilà. Survivor Series, c'était Yerem avec un point aussi. Indulgent. C'était gentil ça. Ouais, non, c'était moi j'ai voté très tard sur cette rubrique et j'ai fait un peu comme Hank, j'ai vu qu'il n'y avait pas de points pour Survivor Series, alors j'en ai mis un. Okay. Au global, il vaut bien un point. Voilà, ça que je peux prendre dans la gueule. Donc, c'est vrai qu'il y a eu. C'est juste la manipulation des urnes. L'Innocel, c'était top, hein. Franchement, re-regardez. Il y a eu Kevin Owens contre Shane McMahon, c'était sympa. Et deux matchs en cage. Et les Usos contre le New Day, c'était sympa. Bien sûr. Le triple threat, ouais. Baron Corbin et Jay Styles, Dillinger, c'était très sympa. Dillinger fait des bons matchs, donc. Mais oui. Si t'avais le network, tu saurais. Voilà, exactement. Je vous ai dit que si. Donc c'était un bon petit pay-per-view. Randy Orton contre Rusev, c'était marrant aussi. C'était marrant. Bon, là, je n'exagère pas non plus. Ça va. C'était sympa. On s'est poilé. C'était comme des balles. Parce que c'était drôle. Oh là là. On va passer au vrai vote. Takeover Brooklyn. Alors, c'est l'amiral qui nous a mis 3 points. Takeover Brooklyn numéro 3. Ouais. C'était très bien, Brooklyn. On avait un match d'opener Cien Almas contre Gargano qui était du feu de dieu. On avait Sanity contre Authors of Pain où Sanity gagne les ceintures qui était vraiment pas mal. Un Aleister Black contre Hideo Itami, là tu veux du stiff, du coup de pied dans la tronche, tu t'es servi. Asuka versus Ember Moon, donc leur dernier match hein, qui était le meilleur match qu'elles ont donné tous les deux où c'est le match où Asuka a failli le plus perdre hein, et c'était vraiment on y croyait à plusieurs fois hein, qu'elle pouvait perdre. Et enfin, un Drew McIntyre Bobby Roode qui était aussi pas piqué des hannetons pendant plus de 20 minutes. Non, c'était très solide. C'est, je pense, le meilleur match de Bobby Roode à NXT. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, de la WWE, du coup. Oui, complètement. voilà. Complètement. Moi, je Triple Threat où il a battu Tyre aussi, je pense. Ouais. Moi, je me rappelle, on avait fait la review de Brooklyn. Il y avait Ringside et IRM et moi. Et on avait mis 5-5 et 4-75 quoi, au pay-per-view. Ah donc, oui, je m'étais fait engueuler, ouais. Je me souviens. Parce que j'avais mis 4-75. Radin. Radin. Bah ben voilà, hein. 4-75 et puis aucun point à la fin de l'année. Bravo. cohérence, mec. Donc. Donc 4 points, donc juste au-dessus de Takeover Brooklyn, on a Takeover Wargames avec 1 point pour Ringside, 2 points pour l'Amiral, 1 point de Raph. J'ai même pas mis de points. Il y a pas la place pour le mettre, mais j'aurais bien mis des points aussi. Mais donc voilà, ouais, Wargames. Excellent. J'avais presque un peu peur que du coup c'est parce qu'il est proche de nous que peut-être on a un faux avis, mais bon. Pareil, hein, j'ai revu le podcast qu'on a fait juste la fin, les notes, on avait mis la moyenne, c'était 4,5 quoi. Il a tout regardé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a préparé l'émission. Il va tous nous coincer, J'ai des chiffres. Alors, je vais demander tiens, à Raph sur Wargames, alors. Qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi c'est je crois que t'as pas voté pour. Ah si, t'as voté pour. Pas voté. Pourquoi non, ça t'a pas plu Wargames? Je crois que t'avais pas voté pour un autre pay-per-view NXT. Mais donc Wargames, pourquoi il est dans ton classement? Bah, pour le Wargames match, parce que moi c'est la première fois que je voyais ça. Enfin, j'ai pas la mémoire, j'ai pas la carrière, j'ai pas l'expérience de Ringside. Je savais même pas ce que c'était que cette histoire. Les rumeurs disaient qu'on n'y comprenait rien. Moi j'ai tout compris, ça s'est très bien passé. C'était très drôle, c'était très très fun. Ah bah c'était comme Rousseff Orton. C'était hyper fun. Enfin, j'imagine qu'un match de. Je sais pas combien de temps il a duré, peut-être 45 minutes, non? Trop long, il a duré trop longtemps. Non, ils avaient le temps. Il avait 5 minutes de trop, peut-être, mais bon, scénariser un match comme ça pour qu'il soit aussi long et aussi fun avec tant de mecs sur le ring, c'est balèze. Donc, ouais. Et puis, il y a eu quoi d'autre dans le pay-per-view? J'avoue que du coup. Il y a eu Alistair Black avec les Team. C'est ça. Rien que deux matchs. Il y a eu le triple free. Aussi, c'était un Fatal 4-Way pour les femmes. Ouais, Underwood, Carissa, Peyton Royce et Cross. Et McIntyre, Andrade Almas, qui était aussi surprenant pour le résultat et très très bien exécuté. On est en train d'endormir Giscard. Giscard a la même position à 4 points. Il y a aussi le Royal Rumble. Ah, le Royal Rumble. Que du fun. Il a voté 2 points. L'amiral a mis 1 point et j'ai mis 1 point aussi pour le Royal Rumble. Alors Giscard. Le Royal Rumble, c'est toujours c'est le dernier dinosaure avec WrestleMania des seuls pay-per-view de l'année qui sont quasiment toujours excitants et toujours cool à suivre quelle que soit la carte parce que c'est un des deux rendez-vous qu'on attend à chaque fois et cette année je trouve que ça avait c'était un super pay-per-view parce qu'on avait eu le match de qui était dedans dans le main roster, on a eu Kevin Owens contre Roman Reigns qui était top. Le Rumble cette année était plutôt pas dégueu du tout. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Mais bon, après, voilà. Hein. Après, c'est toujours un match un peu à part. Alors, moi, le Rumble, je suis toujours très, très fan de ce format-là. Donc, le pay-per-view, j'avais trouvé, était excellent. D'accord. Et après, on avait en deuxième position, on a Takeover Chicago. Avec 2 points de Ringside, 3 points de Rav, 3 points de IRM et 3 points de ma part. Donc du coup, dans ce match, on avait, dans ce pay-per-view, on avait oui le Bobby Roode de Hideo Itami et surtout le Authors of Pain DIY. Ça c'était quelque chose. Ça. Ouais. Et la triple frite Atsuka, Riot, Nikki Cross, qui était bien violente. Et Peter Dunne versus Tyler Bate. Voilà. Et Roderick Strong contre Eric Young. Donc, que des bons matchs. Voilà. Ah, je pensais que c'était celui-là où on avait mis 5 points tous. Non. Enfin, 2 5... des chroniques. On ne peut pas mettre 5 points. Non, mais en catch-up, il voulait dire. Ah, quand on avait fait les analyses. Ce truc. Les émissions qu'on fait les semaines. Là. D'accord, bon, bref, allez, le grand gagnant, donc ça c'était 11 points, Takeover Chicago, et le grand gagnant, C'est très original. Bah, c'est WrestleMania numéro 33 avec 3 points de Giscal, 3 points de Ringside, 2 points de Raphaël, 2 points de Irem et 2 points de ma part. Donc oui, un Mania vraiment bien meilleur que celui de l'an passé, j'ai trouvé. Alors, bien meilleur que même depuis de nombreuses années. Enfin, c'est, pour moi, c'est depuis le 30, je pense. Ah, il y a eu un très bon 31 aussi. Mais... Qu'est-ce qui t'a marqué, Irem? C'était trop occupé, Irem. non, je veux bien laisser la parole à Giscal qui lui a mis 3 points quand même. Merci Irem pour ce passage de parole. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était le meilleur. On est d'accord, le 30 c'était avec la double victoire de Daniel Bryan, hein, c'était ça. Enfin, pour moi c'était le WrestleMania qui m'a laissé le plus beau souvenir après le WrestleMania 30. Donc j'ai trouvé qu'il avait été excellent avec des matchs, avec une carte qui était super homogène en fait. Il y avait, j'ai pas souvenir qu'il y avait vraiment, bon, à part ce très polémique Randy Orton, Bray Wyatt, qui était quand même très compliqué. À part ça, on a eu à peu près à tous les niveaux de la carte, on a eu des super matchs et avec des grands moments. Et t'avais le AJ Shed McMahon dont on n'attendait rien, qui a été une super surprise. On a eu le grand finish versus Jericho, qui était une des feudes les plus chaudes du début d'année et de la fin d'année d'avant. Il y a eu dans mariage de John Cena, la retraite de l'Undertaker, il y a eu plein de trucs. Il y a eu le Brock Lesnar Goldberg, c'est super, je trouvais. Oui, Lesnar il a sauté à un moment. Donc c'était un show de ouf. Moi j'ai adoré ce WrestleMania et j'espère qu'on aura la même chose l'année prochaine. En vrai, avec Dean Ambrose contre Baron Corbin aussi, qui était excellent. Le Andrés the Giant Memorial, avec il y a un mec qui est monté sur le ring et puis. Non, c'était excellent. Grokowski, c'est excellent. Non, c'était les débuts de push de Jinder Mahal. Ouais. Qui se dessinait sur nos yeux et on s'en est pas. Et la victoire, de mon joueur allait André the Giant match of the world, c'est grand moment. David Austin Harris en pré-show était sympa aussi. Ouais, bah, oui, mais il est pas sur le DVD alors. Pas sur le DVD, c'est ça. On compte pas. Non, puis il y avait le Six Pack Challenge pour le SmackDown Women's Championship qui était fabuleux aussi. Non, ça c'était de la merde, ça va. Ah ouais, c'est bien ça. Six Pack Challenge. Un petit tour sur le chat. Sur le chat. Oh. Donc il y a celui qui nous dit que c'est le Hell in a Cell qui était son pay-per-view favori. Sam Tompier qui dit que c'était le NXT War Games. Richard qui nous informe que c'était le Royal Rumble. Ibra Bryant qui nous en rejoint, salut Ibra, qui nous dit que c'était WrestleMania. Payback était pas mal, nous dit Richard. Qu'est-ce qu'il y avait à Payback? Je sais plus ce qu'il y avait à Payback. Regarde, ouais. Ouais. Et il y avait Guillaume qui nous parle donc effectivement le takeover War Games. Mmh. Voilà. Mais tu l'as vu en live celui-ci. Donc, Payback, c'était Strowman contre Reigns en main event. Oui. Ah, pas grand je sais chose. Plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ouais. Pas grand chose à acheter à NXT en tout cas. Les takeovers étaient tous excellents. Non, et puis même les pay-per-view, globalement, en fait, il y a eu beaucoup d'affiches cette année qui n'étaient pas très bien construites. Et finalement, les pay-per-view étaient surprenants en termes de qualité. Ouais, c'était souvent une réflexion qu'on se faisait à chaque fois, c'est vrai. En review, on est toujours là. Je disais, on n'attendait jamais grand chose des pay-per-view et on a finalement toujours été assez agréablement surpris. Alors, est-ce que c'est. Le Big Four, en tout cas, s'en est bien sorti parce que c'est vrai que le Rumble était plutôt bon. WrestleMania, la Road a été vraiment pourrie et c'était pas mal. Survivor Series, bon, c'est vrai que c'est le final avec. Merde. Aïe. Oh putain. C'est l'heure du karaoké random. Vous devez chanter 10 secondes d'un générique au hasard. 10. Oui, 5 ou 10 secondes, on s'en fout. Alors, attendez, le randomisateur. Et c'est Raph. C'est Raph qui est choisi. Avec quel générique? Attention. Voilà, j'ai déjà fait celui-là. Ah non, tu l'as fait l'an dernier. John Cena. Eh oui, John Cena. Ah, c'est John Cena. C'est très facile. Merci Raph. C'est pas ça, le jeu historique de Broken Matt. C'est son nouveau, ça. C'est le nouveau thème. Oui, ça me dit rien. C'est le nouveau song. Bref, C'est l'heure du jeu historique de Broken Mat sponsorisé par Vanguard One. Je vais vous donner des faits historiques de la WWE, 10 faits à confirmer ou à infirmer. Mais si vous avez la bonne réponse, vous devez crier Nero ou Niro, comme le frère Nero. Donc voilà. Brother Nero, c'est Jeff Hardy pour Giscal, parce qu'il ne peut pas comprendre. Ah, ok, d'accord. Parce que je comprends pas pourquoi on doit dire c'est Nero. Comme ça, Broken Bat, il a fait. Alors, tu dois dire Nero. Et ensuite, Nero. Si c'est vrai, tu dis Woken. Si c'est faux, tu dis Delete. Ok, d'accord. Alors, on est parti. Donc, même règle qu'avant, hein, faut répondre. Si vous dites Nero et qu'après vous avez pas de réponse, c'est un moins un. Hein. Attention. Ouais, alors, le main event du premier WrestleMania était Hulk Hogan contre Mr. T. Nero, c'est faux, c'est delete, non ? En effet, c'était 2 contre 2. Mr. T contre Roddy Piper, ouais. Et Paul Orndorff. Il s'est pas fait piéger, un point pour Giscal. Deuxième, Stéphanie McMahon est devenue championne WWE sans porter un seul coup ou prise à son adversaire. Nero. Oui, vas-y, Amiral. Woken. Et non, c'est oui, si c'est. C'est vrai. et non, c'est vrai. Et non, t'as raison. C'est pas vous qui avez un fichier Word de 3000 caractères devant votre ça tête. Ça sentait la question piège, et ben non. Ah non. C'est un pour la du coup. C'était contre Jacqueline à SmackDown du 30 mars 2000 avec intervention de X-Pac et de Tori. Pour la faire gagner, hein. Elle a juste fait le tour du ring et juste après, elle a fait le tomber, hein. Et championne avec son mari Triple H juste à côté. Et troisième question. Le premier. Excellent, la Women Division. On prend moins 1 si on donne une mauvaise réponse ou pas ? Non, mauvaise réponse. Si vous donnez une réponse, En fait, ça vaut le coup de répondre en une chance sur deux. Vas-y, alors, vas-y. C'est juste qu'on ne peut pas prendre de temps. C'est non. Mais si t'en abuses, je peux te mettre moins 1 gratuitement. Ah d'accord, ok. Alors, le premier gimmick de Stone Cold Steve Austin à la WWF était Stunning Steve Nero. Austin. Nero. Merde. Woken. Et non, Delete, c'était Ringmaster. Ringmaster. Oui, oh, quel naze. Oui, mais je suis à 0, je perds pas de points. C'était la WCW. C'était Ringmaster. Donc 0 points. Moins 1 pour hier. Non, mais non. Si. Non. Moins 5 pour Giscal parce qu'il est mauvaise foi là. 0 point pour IRM. Quatrième, les Steiner Brothers ont fait leur premier match à la WWF durant la première édition de Monday Night Raw. Nero. Hmm? Delete. J'en sais rien. Et non, c'est Woken, c'était. dans le premier. Mais c'est pas de refaire l'histoire, Ringside. Moins 1 pour IRM. Contre des mecs qu'on n'a jamais cités dans les commentaires. Hein. J'ai regardé le match, c'est des mecs habillés en braqueur de banque, mais on ne sait pas qui c'est. Mais ils étaient bien là. Ripoman. Et c'était leur premier match. En fait, ils étaient apparus dans une émission juste avant, mais c'était en interview. C'est pas en match. Et Steiner. Oui. À Monday Night Raw. Oui. D'accord. Ouais, t'as dit. J'irai vérifier. Je suis à 100% de ton truc. Le premier draft pick ever. Donc le premier draft pick qui a jamais été fait de la WWE était le Rock. Nero. C'est Delete ça. Vrai, ça. Woken, c'était bien vrai. Il était drafté vers SmackDown par Vince McMahon, qui lui a en même temps interdit de le toucher et de menacer les autres catcheurs ou d'utiliser ses gimmicks comme It doesn't matter what you think, etc. Enfin, il a énuméré tous ses gimmicks, il a dit maintenant t'arrêtes ça. Okay. Ah, oui. Donc voilà, zéro. Alors, en août 2004, Randy Orton devient le World Heavyweight Champion le plus jeune de l'histoire Nero. De la WWE. Nero. Attends, non, mais c'est pas fini. Il était. Non, mais j'ai fini donc du coup. C'est oui ou non. Hein. Randy Orton doit répondre alors. Le World Heavyweight Champion le plus jeune de l'histoire de la WWE en battant Chris Jericho. Ah. Nero. Vas-y. Nero. Delete. En effet. C'est Chris Benoit. C'est Chris Benoit. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis en train de chercher qui c'était, mais oui, c'était. Enfin, officiellement, c'est Chris Jericho quand même. Mmh, ouais. C'est pas Chris. Oui, c'est du coup, pas l'autre DVD, là, dont tu parles. Mmh. Non, je sais pas. Ouais. D'ailleurs, je sais pas qui c'est ça, mais dans les DVD, c'est Chris Jericho. Les DVD, il a gagné. Mais... Ah oui, c'est Rick Tag qui va présenter Ketchup. Dit... Ah oui, mais j'ai même pas dit l'enjeu. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir présenter le pay-per-view que vous voulez, la brand que vous voulez. Donc, vous présenter un pay-per-view. Tu vas présenter le Royal Rumble. Tu vas pouvoir énumérer tous les entrants et les sortants, c'est que ça va être trop cool. Ouais, ça, tu pourras le présenter comme tu veux. Ça vous plaisait pas, il fallait me le dire avant. Vous avez eu 2 semaines, il n'y a personne qui a bronché. Donc... Bah, à chaque fois qu'on bronchait, on s'est censuré. Ouais, On part pour le bra and panties match, ou le match de soutien-gorge et culotte, est un match qui ne se gagne que lorsque l'adversaire ou l'équipe adverse termine en sous-vêtement. Nero. Oui, Nero, oui. Ah, je crois que c'est Ringside en premier. Woken. Ouais. Et bien, c'est vrai, en effet. Ouais, oui. Le premier Brian Panties Gauntlet date du pay-per-view New Year's Revolution de janvier 2006 avec Candice Michelle, Tori Wilson. Ça, c'était Marie la vraie Women's Revolution. Ashley, ouais, c'est ça. Et Victoria. Le véritable à l'époque. Véritable début de la Women's non, on Revolution. On savait se marrer à l'époque. Hein. Et il y avait, Mae Young aussi qui était interprétée. Ouais, qui a perdu. Malheureusement qu'elle perd. Malheureusement. Tout le public était pour Mae Young à fond. Et tout finalement, donc du coup le grand gagnant, bah voilà, c'est Ringside comme ça et bah l'historien. L'historien. Ouais, Ringside, bravo. Celui qui a fait le moins d'erreurs. Tu pourras ne pas présenter le pay-per-view que tu veux si tu veux. Les awards. Alors les awards de Superstar. Ah, c'est la dernière ligne droite, la meilleure tag team de l'année. La meilleure tag team de l'année. Il n'y a pas eu, il n'y avait pas un choix énorme hein, dans les propositions. On a eu en cinquième position. Comment Qu'est-ce que tu as dit Il n'y a pas beaucoup de superstars, c'est pour ça que. Ouais, le roster est assez faible. Hein, à WWE. Alors, on a Sanity en cinquième position avec un vote de Raph qui est en train de s'endormir. Alors, je suis là. Il est en train de s'abonner au network. Ouais, c'est ça. C'est bien, Raph, tu fais une bonne action. Vous voyez des sioux. C'est bien, ça, Didi, c'est bien. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est... Qu'est-ce que tu dois te marrer quand tu regardes un pay-per-view avec Raph? Ouais, c'est rigolo, ça. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est des punks à chiens et tout. Il y a des punks à chiens, on se croirait à Nantes. Oh, je veux un WrestleMania avec Sanity contre le Shield. Là. Il y en a, ils vont arriver dans du ring, les autres ils vont arriver en hélico et tout. Ça va tu vas. Ah oui, non, mais Johnny il est plus là maintenant. J'allais dire, tu fais un concert de Johnny. Donc, quatrième position DIY, Authors of Pain, Revival. Donc voilà, c'est les trois équipes qui sont en quatrième position. Donc DIY c'est 1 point de Ringside, 1 point d'IRM. Authors of Pain, c'est 1 point de l'amiral, 1 point de moi-même, et Revival, c'est 2 points de moi-même, je crois. Amusant que les trois se retrouvent au même niveau. Tous hein. à 2 points. Mm. C'est amusant. Hein. Voilà, moi, ça aurait été truqué, non. C'était un peu impossible. Pour... Impossible. Voilà. Non. Parlez de votre tag team préféré. Allez. Allez-y. Alors moi, ma tag team préférée, c'est Sheamus et Cesaro. vraiment deux catcheurs excellents. C'est au podium. New Day, donc en troisième position, New Day et Rollins et Ambrose. Ils sont deux Shield. Donc New Day. Déjà, ils sont trois. New Day et Giscal qui leur a mis 3 points. New Day. Oui. Ouais. Il est de pire en pire. Donc New Day, qui a voté New Day? C'est Giscal, il a mis 3 points. Il a mis les 3 points pour New Day. Le Shield, donc du coup, ça c'était moi et j'ai mis aussi les 3 points. Mais expliquez-moi, donc, les gars, 3 points pour ça, oui. Pour ce truc là. Alors, moi j'ai mis les 3 points parce que je trouve que le. Mais ça va, un peu de s'il vous plaît. je trouve que Ambrose et Rollins sont excellents et je trouve que ça a redonné de la vie aux deux qui étaient en train de divaguer à droite à gauche. Ils font des meilleurs matchs qu'avant. Ils font des meilleurs matchs en solo qu'avant qu'ils soient. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais maintenant, même quand ils font des matchs en solo, ils sont meilleurs qu'avant qu'ils soient en tag team. Donc, je trouve que vraiment ça les a motivés. Moi, j'aime beaucoup Rollins en ce moment. C'est foutu. Donc voilà. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient pas du tout. Et toi, Giscard, le New Day, là, ils sont finis. Qu'est-ce que tu nous mets 3 points, là? Le New Day, ils sont pas finis. Au contraire, ils sont au top niveau, le New Day. Non, franchement. Mais moi, paradoxalement, en fait, c'est, ils m'ont encore plus impressionné que l'année où ils avaient fait leur run de record. Plus qu'une année, hein, parce que c'était plus de 430 jours de règne qui s'était terminé l'année dernière. Et en fait, moi, c'est vraiment cette année qui m'ont le plus impressionné parce que je trouve que c'est l'année qui a vraiment consolidé leur place dans le tout haut de l'affiche de la division tag team à la WWE parce qu'ils ont montré que, en fait, c'était eux les tauliers cette année. C'était eux les patrons. Ils savent tout faire. Ils sont toujours gages de bêtes de match en pay-per-view. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Si jamais les Usos ont été absolument excellents cette année, c'est aussi parce que le catalyseur qu'ils avaient en phase 2, c'était cette tag team fantastique qui les a portés vers le show stealer à chaque pay-per-view de SmackDown, c'est le New Day. Et donc voilà, ils ont eu un break un peu salvateur en début d'année parce qu'on les avait trop vus. Et le transfert à SmackDown leur a fait beaucoup de bien, ils ont pris un peu de retrait, un peu de recul, et ils sont revenus encore plus forts. Et j'ai trouvé que cette année, ils avaient été constants, top niveau à partir d'avril jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, bravo aux New Day qui sont les grosses valeurs sûres de la division SmackDown et de la division Tag Team. Et vous l'aurez deviné en regardant Ringside, ils votent toujours pour le bar. C'est le bar qui est deuxième avec 9 points. 1 point de Fiscal, 3 points de Ringside, 2 points de l'Amiral, 3 points de Raphaël et 2 points de Yerem. Tout le monde Bar qui va parler du bar, Ringside va donc parler du bar. Comme je l'ai dit, hein, Cesaro qui a redynamisé toute la division tag team. C'était eux les champions en début d'année. C'était déjà champions. C'est eux qui ont mis fin au règne de New Day qui nous avait complètement dégoûté de la division tag team. Alors effectivement, le New Day c'est quand même une équipe excellente. Hein, comme l'a dit Giscard, ils ont fait des très bons pay-per-view cette année. Mais par contre, leur run de champion interminable, il a fait beaucoup de mal à la division tag team. Et ces bons vieux Cesaro et Sheamus qui revient de nulle part, hein, qui était... Sheamus fantastique. Ouais, un des catchers peut-être les plus ennuyeux, juste avant qu'ils reviennent comme ça dans la partie avec Cesaro. D'abord leur rivalité avec le best out of seven match qu'il y avait eu juste avant. Que des matchs exceptionnels, des prestations... vraiment au-dessus du lot. Cesaro qui se donne toujours à 200%. Sheamus il s'est recréé. Voilà. Il s'est réinventé. Moi j'ai toujours été scotché par leurs matchs, que ce soit en weekly ou en pay-per-view. Cesaro qui va jusqu'à s'exploser les dents sur le coin du ring, comme j'ai déjà dit, le match. Ça, c'est de sa faute. Hein. Il avait les c'est de sa faute peut-être, mais il a fait le match jusqu'au bout. Il devait avoir un mal de chien. J'imagine pas la douleur qu'il a dû endurer pendant tout le reste du match. Et une prestation incroyable. Il aurait pu se faire sortir. Hein. Il aurait pu dire je suis blessé, j'arrête. Hein. Un mec comme Sin Cara, il se retourne le petit doigt, ça l'empêche pas d'arrêter un Fatal Four Way. C'est le point Godwin du catch. C'est ça. Bosh Cara. C'est ça. Donc voilà, pour moi, ils portent la division tag team. Ils ont redonné les lettres de noblesse à la division tag team sur la dernière année. Et surtout en weekly, on s'emmerde pas quand on regarde du catch grâce à eux. Donc, je pense que c'est pas du tout volé cette place. Ouais. Moi, ce que j'adore avec The Bar, c'est probablement parce que je regarde pas assez de catch ailleurs. Donc, mais je trouve qu'ils ont un style qui est assez, qui est pas du tout conventionnel et qui font que leurs matchs sont assez excitants et sont assez différents de ce que tu vois régulièrement à WWE parce que généralement les finishes des matchs de The Bar sont pas du tout dans les canons de la WWE avec des séquences de prises ultra ils ont pas leur five move of doom The Bar, c'est toujours chaque fin de match est toujours différente, ils ont toujours des nouvelles combinaisons et des trucs super impressionnants qui font qu'on a l'impression que le match peut se terminer à tout moment et qui rend un petit peu les 5 dernières minutes de chacun de leurs matchs en pay-per-view, on peut les regarder, complètement imprévisible, complètement chaotique, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que généralement voilà on déroule et on voit arriver les finishes à 10 km à part quelques variations de faux finishes assez classiques et tout, et The Bar ils ont réussi à apporter ça dans la division tag team, ce côté complètement imprévisible qui se voit assez rarement en tout cas à la WWE, et je trouve que ils ont un style à eux qui est vraiment extra, donc je les ai pas nominés plus haut mais ils méritent. Surtout, ce qui est cool, je trouve, c'est que c'est une des rares équipes. On a vu leur genèse, on a vu le moment où on les a mis ensemble, on a vu l'équipe se faire. Et du coup, il y a un attachement scénaristique et empathique qui est vachement fort. Quoi. Et notamment, il y a Sully qui nous rappelle dans le chat que Cesaro, dans un match du bar, est allé exploser le beach ball là, qu'il y avait dans le public en plein match. Merci, il a sauté par derrière la rambarde. Voilà, il est allé chercher le beach ball au milieu du public. Il a explosé de ses mains. C'était juste parfait, encore une fois. C'est un truc que reconnaît pas la WWE dans Cesaro. En fait, c'est tout le naturel qu'il peut avoir et l'improvisation qu'il peut avoir dans plein de moments hein, qui soit en train de faire une promo ou autre. On sent il a vraiment un naturel maintenant et il faut arrêter qu'il le considère comme un étranger, comme un mec à qui on peut pas faire confiance, etc. Ils ont beaucoup de mal forcément à faire confiance à mettre en babyface des étrangers en général. C'est à chaque fois ce souci-là. Et les premiers du classement, c'est les Solo. Oh mon dieu, ça marche mieux que le karaoké, ça. donc du coup, les Usos. Alors c'est la razzia pour les Usos. Hein, 2 points de Giscal, 2 points de Ringside, 3 points de l'Amiral, 2 points de Raph, 3 points de IRM, 12 points pour les Usos, 3 points au-dessus du bar. Les Usos, je vais demander à quelqu'un de SmackDown de me chanter les louanges des Usos. IRM, est-ce que t'as le temps? Ouais, j'ai le temps. On a le temps pour les Usos, hein, puisqu'ils nous ont mis derrière les barreaux. Ils ont verrouillé la division tag team de SmackDown. Les Usos, c'est aussi un nouveau gimmick. C'est probablement un des meilleurs heel turns de la WWE de cette année. Enfin, je sais plus. Ouais, ils l'ont commencé en début d'année. Je suis même plus certain. C'est fait de façon très naturelle. Ils ont une intensité, du charisme au micro. C'est assez incroyable. Il y a un truc. Pareil, on parlait de The Bar, comme quoi dans le ring, ils ont un style qui casse un peu les codes, qui nous sort effectivement des schémas qu'on connaît. Là, c'est pareil dans leur promotion. Quand ils arrivent aux abords du ring, ils te mettent mal à l'aise, ils font peur, ils sont stressants, te captivent. Et dans le ring, il y a une agressivité qui est assez, assez folle. Et en plus, ils ont réussi comme ça, notamment à leur crédit, à remonter, enfin avec eux, toute la division tag team, quoi, que ce soit les New Day dont tu parlais Giscal, mais tous leurs opposants, quand ils se retrouvaient face aux Usos, sortaient des putains de matchs. Je suis bien content qu'ils terminent l'année champion. J'avais un petit peu peur à chaque fois que les New Day... C'est fini. À chaque fois que les New Day, oui, on va pas parler des deux dernières, de ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit ou à SmackDown, je suis bien content qu'ils terminent l'année champion, parce que pour moi, c'est vraiment les vrais patrons, et à chaque fois que les New Day reprenaient le titre, j'avais un petit peu peur, mais c'était juste pour nous refiler encore des show stealers, hein, de pay-per-view, donc, c'est super, hein. Franchement, les Usos, c'est une évolution que tu vois par rapport à ce qu'ils étaient, qui arrivaient à captiver la foule, mais c'était pas, c'était à des années-lumière de ce qu'ils sont là, ils ont vraiment un style. C'est l'éclosion de cette année, hein, effectivement. Ce que je trouve marrant, c'est qu'ils ont ils ont gardé leur côté athlétique malgré le. Ils sont malgré affûtés le maintenant en plus. Hein. Ils sont affûtés, les mecs. Ils ont. Je vais peut-être caricaturer en disant ils ont chopé un petit une petite pointe de revival dans leur combinaison, enfin dans leur côté vicieux. On est toujours au bon endroit positionné mais c'est pareil pour Sheamus et Cesaro, hein, la montée de revival et surtout et tous les matchs de tag team qui étaient les show stealers à NXT ont poussé un peu mis au feu au cul, en tout cas c'est l'impression que ça donne aux divisions tag team de Raw et de SmackDown. Donc les revival, ils sont pas là dans le classement, et qui sait si finalement les blessures des revival sont pas faites par ces deux tag team. Qui sait, la vraie rivalité en coulisses. On va passer. Ah oui, petit point sur le chat, Amiral. Celui qui nous disait effectivement Uso, New Day, The Bar. Hein, donc dans l'ordre, elle les a eu. On a aussi Richard qui nous dit que la meilleure tag team de l'année, c'est East Letter et Rhino. Bon, avec un smiley, on pense que c'est d'humour. C'est ça. Guillaume qui, comme nous, pense que c'est les Usos, hein, qui sont les meilleurs, et celui qui dit effectivement que Revival aurait pu être dans le classement sans les blessures consécutives de leurs membres. Ça, c'est bien dommage. On est bien d'accord. Voilà. Et généralement, voilà, les Usos sont très largement l'équipe qui ressort le plus, et on comprend pourquoi. Day ouais, moi, je l'aurais mis. Et quoi? Day One is H. Ah. Eh ouais, The Day One is H. Mais c'est pas moi, de la paranoïa. C'est un peu pour ça que j'ai voté pour Revival. En fait, c'est pour récompenser leur ouais. passage à NXT de début d'année qui était super prometteur. Ouais. Mais donc voilà. Sinon j'aurais voté. Juste une bar, petite mais... pensée pour Brisango, la Fashion Police, qui à leur manière ont égayé nos semaines de SmackDown. Dans un autre style. Si on les autorisait à catcher de temps en temps, ça serait bien parce qu'ils font un match tous les 4 mois. Donc bon. C'était la belle histoire de ce SmackDown. Allez, le meilleur rookie de l'année. Donc alors là aussi j'ai été très très large. Hein. J'ai parlé de rookie. Alors ça sera rookie de NXT ou rookie du main roster. Donc ça peut être quelqu'un qui passe de NXT au main roster, etc. On a donc dans le classement, ça commence tout en bas avec un point pour Bianca Belair. Ça c'est moi. Ça m'a étonné. Ça c'est moi. IRM. Oui, bah voilà. Faut juste voir un match. Elle fouette ses adversaires avec ses cheveux et. C'est vrai. Oui. Elle est entraînée par Mark Henry. Donc non, mais elle a une intensité et beaux cheveux, Mark Henry. Un athlétisme. Oh, attends, qu'il se fait ses petites dreadlocks là. C'était pas mal. Non, franchement, c'est un petit bijou. Bianca Belair a un énorme potentiel. Donc et je crois que Ringside a nommé son mari à la ville. Montez Ford. Oui, en effet, un des deux hommes des Street Profits que j'adore, qui ont peut-être pas encore fait grand chose pour les. Enfin, moi, j'aurais peut-être. C'est pas... celui qui est pas Angelo Dawkins pour voilà. ceux qui. Voilà, pas. Celui voilà. qui n'est pas Angelo Dawkins. C'est celui qui est drôle. Voilà, il y en a c'est un des deux qui est très drôle. Enzo Amore, mais qui catcherait comme Kofi Kingston, quoi. Voilà, d'accord. Comme ça. Et j'aurais pas donné à Angelo Dawkins parce que ça fait 6 ans qu'il est là et qu'il est nul à chier. C'est sa dernière chance de pouvoir percer avec ce Montez Ford là. Mais, ouais. Il y a eu du fric à se faire avec Montez Ford. Ouais, bah ça sera à suivre. Moi, j'ai hâte de voir les premiers matchs en pay-per-view de Street Profits parce que ça peut être vraiment bien. Et Singh Brothers. Ça c'est Chiskel. Ça c'est moi. Ça. Bon. Oh rigole. Mais aussi ça compte. Ça oui, compte. Bah oui. Ils ont eu des matchs. Ils ont eu des matchs. Ils ont débuté cette année. C'est une entité indissociable. Ils fonctionnent ensemble. Donc voilà, je voulais les nominer. C'était une belle surprise moi cette année pour moi les Singh Brothers. Voilà deuxième. Donc du coup encore en bas du classement, mais à 2 points. C'est Asuka et ça c'est encore Giscal qui nommait Asuka comme meilleur. Ouais pour moi c'est une rookie, mais bon c'est vrai que. non mais après non mais c'est juste celle qui la connaît. L'entrée dans le main roster, ouais. Mais non, j'avais pas compris au début, alors voilà. C'est non, mais ça marche. Hein. Bah oui, c'est quoi le problème? Attendez, les gars. Mais y a pas de souci. Ah, non, okay, non j'étais en train d'appeler, du coup, je sais pas. Ouais. Quand tu mets des rookies NXT, du coup, ça fait bizarre d'avoir Asuka d'un seul coup. Parce que c'est vrai que. À ce point, nous avons Velvet in Dream. De IRM à contentieux, ça passe, mais un peu contentieux. Oui, l'ancien Patrick Clark, voilà. Voilà, 3 points donc, de IRM pour Patrick Clark ou pour Velvet in Dream. Donc voilà, bon, on va commenter un peu plus tard. Elias à la 4ème position avec 4 points. Ça, c'est 2 points de Raph et 2 points de moi-même. Il mérite. Parce que voilà, c'est un peu la breakout star. Enfin, pour cette année. Non, mais cette année à Ro, je trouve que c'est vraiment le rookie qui a fait un peu la plus grosse, du moins la plus grosse impression par rapport au public, avec un autre catcheur qui est tout en haut du classement. Mais ouais, mais lui c'est un vrai rookie parce que c'est vrai que depuis quelques années, bon, celui dont tu parles, qui va être plus dans le classement, c'est pareil. Je veux pas spoiler, mais c'est pas un rookie, ça fait 15 ans qu'il a IAS. Bon, il était à NXT, mais c'est pas un mec qui a fait de l'indépendant. C'est pas un petit chouchou d'internet wrestling, c'est pas un internet darling. Hein. C'est une belle surprise. Et confirmé par le dernier Raw de l'année où il a eu un beau cadeau. Je suis pas d'accord. Son match c'était vraiment atroce. Non. Bon, écoutez, on verra ça dans la revue d'Euro cette semaine. Je vais participer à la revue d'Euro alors. Donc, En troisième position, on a Pete Dunne. Et oui, 5 points pour Pete Dunne. 5 points pour Pete Dunne avec 2 points de Ringside, 1 point de l'Amiral et 2 points de Yerem. Pete Dunne, le chouchou. Bah, Ringside, parle-nous de Pete Dunne. L'Amiral veut parler, on n'a pas entendu. L'Amiral ? Il fait le mariole là, attends. Arrête de m'en non, incroyable. Donc le champion actuel UK, un mec qui a un sens de un moveset heel que j'avais pas vu depuis je ne sais pas quand je l'ai jamais vu à part ces matchs effectivement NXT TakeOver enfin, où il va casser les doigts, il va casser les membres, il a une espèce d'intensité, on dirait que c'est un bulldog, et c'est un des rares heels où tu te dis, tu le croises dans la rue, alors qu'il n'est pas non plus, c'est pas une masse, quoi, c'est pas un Jinder Mahal, ou ni un Rousseff, tu le croises dans la rue, je pense que tu changes de trottoir, quoi. Il a vraiment une intensité qui est dingue, et là aussi, un jeune âge, même s'il est un peu plus vieux que Tyler Bate, il est vraiment juste fou, et c'est vraiment pour le coup une des superstars qu'on connaissait pas cette année, si on regardait pas le catch anglais, qu'on a découvert grâce à ce tournoi anglais, et vraiment une vraie découverte. Donc, c'est, en plus, je crois que Triple H l'aime beaucoup, donc voilà. Croise les doigts pour que son fils, 2018. Hein. C'est ça. J'allais dire qu'il y a l'avenir pour lui, mais bon, tant mieux. Ouais. J'espère que ça va être une bonne année 2018 pour le Cruiserweight. Oh mon dieu, il est de retour. John Cena, c'est l'heure du karaoké de 10 secondes. Alors, randomisateur, c'est Giscal qui va nous fredonner. Le générique de Shane McMahon. Eh oui, Shane McMahon, here c'est parti. Money. Here we go. Et puis après, argent, dollar. Dis-moi de l'argent. Je veux de l'argent. T'es pas trop bon. Grosse ambiance, allez, deuxième du classement. Meilleur rookie de l'année, c'est Samoa Joe dont on parlait tout à l'heure. Donc, Samoa Joe, 9 points avec 3 points de Giscal. 3 points de Giscal quand même sur Samoa Joe. Monday Night Raw, tu récompenses Monday Night Raw. 2 points de l'armbar, 3 points du RAF, 1 point du rank. Samoa Joe. Allez, bon, je vais en parler comme je peux. Tous les noms que je cite. Non, mais Samoa Joe, il est parfait, en fait. Tout simplement. Il fait tout bien. En fait, c'est limite s'il fait les choses tellement bien que oui, on le verra encore plus haut que là où il est. Mais oui, donc du coup, il a mérité. C'est pas pour rien qu'on le met devant Brock Lesnar. C'est parce qu'on sait qu'il fait mousser une feud. C'est lui qui a fait quasiment toute la feud contre Lesnar. Enfin, c'est. C'est lui qui monte le truc en sauce. C'est lui qui donne la répartie à Heyman quand personne n'arrive jamais à donner la répartie à Heyman. Dans le ring, il est monstrueux. Enfin, et dès qu'il arrive à s'insérer dans une rivalité, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément d'enjeu, rien que sa violence c'est toujours un moment assez particulier. Et puis là, ces derniers temps, il est devenu encore plus violent. Il est incroyable au micro, en fait, Samoa Joe. C'est juste dès qu'il a un micro, on voit qu'il est dans le top 3 des mecs au micro à Monday Night Raw. Il est génial. Mais même des moments, il a pas des textes formidables, mais la façon dont il les donne est magnifique, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de longs textes pour être exactement. Il fait des promos à l'ancienne, hein, Samoa Joe. Ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'ils essayent de nous vendre depuis des années avec leur truc hyper écrite là, comme une série télé. J'ai eu un vague espoir quand il a eu son match contre Lesnar, parce que moi jusqu'à la fin contre Lesnar, j'y croyais. Jeune fou. Et ouais, non mais il était très bon ce match jusqu'au résultat. Ouais, si je regarde du catch indépendant, c'est principalement à cause de Samoa Joe, hein, parce que c'est un mec qui m'a tapé dans l'œil quand je regardais la TNA. C'est pour ça que tu portes des lunettes noires. Il y a quelques années, c'est ça. Ouais. Sinon, c'est tout rouge derrière. Tu veux nous en parler? AJ Styles et Samoa Joe, voilà, maintenant c'est des rookies à la WWE, mais ça fait des années qu'ils font vivre le catch à travers le monde et même voilà, dans des fédérations bancales comme la TNA, c'est des mecs qui savaient nous faire donner l'envie de revenir la semaine suivante. Ouais. Et j'ai envie de dire, à WWE, on n'a encore rien vu de ce qu'il est capable de faire. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'ils l'ont peut-être embauché de 5 ans trop tard, quoi, à peu près. Donc, c'est pas impossible. Que... Mais ce qui peut sauver ça, c'est qu'on a l'impression qu'il est là depuis tout le temps, quoi. C'est, ouais. Voilà, c'est la première fois où il arrive, même maintenant, même ses promos des semaines dernières, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans le roster, qu'il connaît tout le monde et c'est le lion dans la jungle. Il porte tellement bien son personnage qu'il trouve sa place de suite. Incroyable. Et le rookie de l'année qui décidément est récompensé un peu partout hein, pendant ses Catch-Up Awards, c'est Aleister Black avec 10 points. Chardon. 10 points pour Aleister, 3 points de moi-même, 3 points de Armbar, 3 points de Ringside et 1 point de Raph. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur Aleister Black? On a déjà un peu parlé, mais voilà, c'est un personnage unique en tout cas dans la WWE en général. Le roster principal, c'est vraiment un personnage unique. Est-ce qu'ils vont réussir à le garder tel qu'il est? C'est le risque, c'est le gros risque. Hein. C'est le seul personnage aujourd'hui dans la WWE qui a un look, qui a un gimmick, qui a un peu occulte, dark, ténèbres, etc. Mais qui ne raconte pas de merde. Il ne fait pas son Bret, il fait pas son Kane, il ne fait pas son Undertaker. Il y a Aleister Black. Hein. Son petit malheur, il dit pas je suis un démon, je suis un dieu, machin. Non, il dit rien. C'est Aleister Black, quoi. C'est le mec, il est entre l'ombre et la lumière, il est au milieu, c'est lui, quoi. Attends, ça a monté dans le main roster. C'est pas Aleister Black qui est entre l'ombre et la lumière? Si, c'est lui. Ouais. On l'a pas encore vu en jogging dans le vestiaire de la WWE. Ouais, ça va pas en train de boire. Tu sais pas pourquoi j'avais Velvet Red. Tu vas voir s'il est dans l'ombre et dans la lumière, là, à ce moment-là. Ouais, d'accord. Je vais te le mettre dans l'ombre, moi. Surtout que c'est un mec qui n'a fait qu'une seule promo à NXT de 2 minutes. Et on pouvait se poser la question, vu qu'il est hollandais à la base, est-ce que ça marche ou pas? Il parle très très bien anglais. J'ai regardé un peu l'interview du mec à l'époque où il était indie, etc. Et niveau anglais, il y a zéro problème. Donc voilà, il pose un personnage sans parler pour l'instant et ça marche quoi. Donc c'est rare. Ouais. Ouais. Il a catché en France hein, il y a quelques années. Hein, si ouais, j'ai vu. Il s'était déplacé, on aurait pu le voir. Il était tout rasé. Mmh. Il faisait un peu moins mystique quand même. Mais ouais, c'est sûr que c'était pas le personnage qu'on a actuellement, mais. Il y a un grand avenir devant lui et j'espère que ça va se concrétiser parce que c'est assez impeccable ce qu'ils ont fait avec lui cette année. C'est le booking hein, qui va être problématique. Hein. Toi, pareil, hein, c'est comme le disait je sais plus qui à l'instant. On va voir quand ils vont passer au main roster. Surtout qu'il y a eu un sondage récemment sur quels sont les superstars de NXT que vous voulez voir monter dans le roster principal. Et les fans ont publicité Aleister Black, suivi de pas loin par les Authors of Pain et les Iconic Duo. C'est pas bien de souhaiter du mal aux gens. Ils ont plébiscité ne sait pas. Ne veut pas. Ni du sais pas. Ouais. Allez, non, mais il est temps que Triple H arrive à booker SmackDown ou Raw. Triple H, sauve-nous. Ouais. Voilà, gaspiller des talents comme ça, ça va bien aller 5 minutes. Mais là, maintenant, il faut assurer. Quand on a un truc qui fonctionne aussi bien que Aleister Black, il faut que quand ça arrive dans le roster, on continue sur la lancée. Sinon, c'est pas possible. Ouais, mais bon, Bayley, tout ça, ça fonctionnait bien aussi. Quoi. Mais non. Voilà. Et là, ils ont de l'or entre les mains. Oui, mais ils peuvent difficilement suffier. Ça va peut-être faire. Bobby Roode aussi est parti là-dessus sur un début pas terrible et puis là ça va. On va peut-être avoir 2-3 mois où on va se dire mais qu'est-ce qu'il faut à Aleister Black et puis après il va s'imposer. De l'or dans les mains mais du caca dans les yeux un peu quand même. C'est beau, ça va être très vigilant. Allez, ça c'est la poésie ça. Alors est-ce qu'il y a des réactions sur les rookies dans le chat? Ouais, donc il y a Sully qui nous dit Elias, on fait partie, Joe, Aleister Black aussi, Jason Jordan qui est cité. Guillaume Sudré qui nous dit Kairi Sane hein, et aussi Aleister Black, évidemment. J'hésitais à mettre Kairi Sane aussi dans. Voilà, la gagnante du Mae Young Classic. On parle aussi de Velveteen Dream hein, qui a bien marqué avec son match référence. Et voilà, à peu près ce qui ressort principalement. Meilleure catcheuse de l'année. C'est un grand panel de catcheuses. Ça Jack commence. Alors ça va commencer avec des moqueries parce que c'est moi qui ai voté avec un point pour Peyton Royce. Non, franchement, elle est cool. Bien, super. Ouais. Tu n'as pas que des ennemis dans Catch Up, toi. Ouais. Voilà. Mais, non, mais en fait, c'est parce que je pouvais pas. Respectons pour, je pouvais pas voter pour l'iconique duo, mais voilà, pour moi. Elles sont mûres pour le main roster, les deux là. Voilà, elles sont géniales au micro. Hein. C'est de l'or en barre. Et puis surtout, ça permettrait un petit peu de. Si elles pouvaient donner quelques leçons au micro à certaines du roster principal, ça serait beaucoup. Sympa. Ouais. Ah, putain. Cinquième du classement avec 2 points, c'est Ember Moon et Carmella. Alors, Carmella. C'est, attendez. Non. Je récapitule donc du coup. Ember Moon, c'est bien sûr Ringside et Raph aussi, avec 1 point chacun. Et Carmella, c'est tout IRM. c'est tout IRM. Mais je suis d'accord ça, avec IRM. Alors, Carmella, elle a fait une bonne année, Carmella. Voilà, plusieurs choses. Un, déjà, visiblement, tu n'as pas la dernière version du fichier, puisque je l'ai retiré. Je vous dirai après pour qui je l'ai remplacé. Mais si on change les votes dans les dernières 24 heures, là, c'est. Ouais, bien sûr. Pour autant, je vais défendre ce choix que j'ai changé au dernier moment. Carmella, j'ai trouvé qu'elle avait fait, alors, peut-être pas une année formidable, mais. Quelle catcheuse peut se vanter d'avoir fait une année formidable dans le main roster, ça va pas beaucoup. C'est pas faux. Elle a quand même gagné par 2 fois le Miss Money in the Bank. À ce moment-là, elle tenait son perso. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. C'est en termes de promo et de personnage, elle le maîtrise très très bien. Pour autant, j'ai changé après parce que j'avais zappé qu'on pouvait voter aussi pour NXT. J'avais remplacé par Nikki Cross. Mais une de mes révélations de. Alors non, mais juste pour information, t'as changé quand? Parce que j'ai copié le fichier hier. Ah bah après hier. C'est-à-dire aujourd'hui. J'ajouterai simplement que quand on a un aussi beau costume que Carmella, on n'a pas besoin de savoir catcher. Ah bah oui. D'accord, qu'on peut très bien lui accorder un point. Il est très très beau son nouveau costume. Non mais parce que ça tombe bien en fait, IRM, parce que en 4e position et du coup ça aurait été en 3e position. J'ai mis Nikki Cross, j'ai mis 3 points à Nikki Cross. Ah bah voilà. Donc pas grave. Donc voilà. Un rendez-vous manqué entre toi et moi. On se rejoint, okay. Comme dit l'autre. donc ouais. On se rejoint. Et oui, je te rejoins. Ah oui. Sur la même. Oh là là. Et ils savent pas parler français dans ce podcast, je suis désolé. Alors, Nikki Cross, magnifique année, même si elle a pas eu la ceinture, elle a fait des super matchs contre Asuka, elle était géniale, contre tout le monde, elle était géniale, voilà. Donc voilà, il y a pas grand chose à dire. Nikki Cross, moi je croyais qu'elle allait gagner à WarGames, mais bon. Troisième du classement du coup, si on reprend notre classement d'il y a 24 heures, Charlotte avec 4 points. Charlotte qui a été récompensée par Armbar avec 1 point, Giscale avec 2 points, et IRM avec 1 point. Giscale, parle-nous de Charlotte, de l'année de Charlotte. Écoute, Charlotte, bon, ça. Pourquoi t'as pu la mettre aussi haut, Charlotte? Je comprends pas. Bah, parce que déjà je ne vote pas pour les filles de NXT, donc ça réduit mon pool de choix. Et puis bah après, moi j'ai été très déçu de manière générale de toute l'année féminine à part une qui est ma numéro 1 dans mon classement. Donc c'est un peu par défaut et puis aussi d'une certaine manière. Comment? Quelle analyse originale. Oui, bah c'est ouais, les filles malheureusement là je suis pas convaincu cette année, mais bon pareil. Mais bon, écoute, Charlotte, on va dire que elle mérite d'être là, d'être un peu une taulière, d'être toujours là, d'être un peu une valeur sûre, même si je suis pas fan de son personnage face. Je trouve qu'elle a un petit peu du mal à le tenir. Elle a quand même été là sur certains pay-per-view de SmackDown pour assurer le minimum syndical et puis bah elle est quand même, quoi qu'il arrive, une championne, une bonne championne à SmackDown. Après donc... elle a été absente hein, aussi. Elle a été vachement absente, pendant 9 mois. Mais c'est pas de sa faute non plus qu'ils ont décidé de pas la booker pendant X temps, son retour qui a été compliqué en fait, hein, SmackDown. Ça a pas été malade. Il y a Ric Flair aussi qui était malade, donc du coup forcément elle était absente. Elle était championne un moment. En début d'année. Hein. Elle commence et termine l'année championne, comme beaucoup. Ouais, elle a eu, voilà, bon, elle... Donc elle est quoi qu'il arrive, elle est toujours là, donc c'est pour ça que je l'ai championne à Raw et maintenant championne à SD en fin d'année. Et on verra que ce n'est pas la seule. Et oui, et c'était même pas la première. C'est vrai. Ah oui, c'est inversé quand même. Deuxième, du classement, c'est Asuka. Asuka. Et non pas Azuka ou Asuka, hein. Pareil avec Vince McMahon, hein. C'est pas Vince McMahon. Hein. Ouh, ouh. 8 points. Avec Giscal, 1 point. Ringside, 3 points. Armbar, 2 points. Raphaël, 2 points. Donc voilà, tout le monde a plébiscité Asuka. Est-ce que c'est pour l'année globale ou le début de l'année ou qu'est-ce que global. Bah, global, global, oui. Global, global, voilà. Incroyable. Parce que là, c'est ça. Sinon, faut voir ce qu'elle va faire dans main roster encore une fois. Hein. C'est toujours le même problème avec les call-ups de NXT qui ont eu une carrière très très belle à NXT. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, elle a un début qui est pas trop mal pour l'instant. Voir les prochains mois vont être décisifs en fait, hein, parce qu'ils vont la mettre sur une courbe stratosphérique d'invincibilité. Il va continuer. Il faut qu'elle sorte des Dana Brooke et qu'elle ait des matchs contre des vraies lutteuses, on va dire. Comme Emma, par exemple. Elle va passer par gagner le Rumble féminin, donc ça va l'aider. Ouais, j'ai un peu peur que ça soit très téléphoné là cette prochaine. Asuka Rumble, c'est hyper téléphoné. Elle va gagner le Rumble facile. Elle n'en a pas besoin. Si. Et ce sera Asuka Page à WrestleMania. Ah bah oui, pour l'affiche, oui, on achète, mais pour la storytelling, il faut voir. Moi, j'aimerais bien enfin, j'aime pas les histoires de winning streak là, qui n'en finissent plus parce qu'ils s'en démerdent toujours très mal, je trouve. Donc, à la limite... C'est cadeau empoisonné, ça. AJ Styles, il a pas eu ça. Il était là depuis 2 semaines, il a perdu contre Jericho, et ça, il n'y a pas eu cette pression. Mais il peut pas gagner le Rumble féminin, AJ Styles. Non, ça n'a aucun rapport. Mais tous les mecs... C'est pas impossible. Tous les mecs à qui font une winning streak, que ce soit Rousseff ou tous les autres qu'il y a eu dans le passé, ça ils gèrent pas du tout après. Alors, Strowman, si perdre... hein? Strowman, si. Strowman a jamais eu de winning streak. Non, Strowman, il a pas de. Si. Il a perdu contre Kalisto dans un match de la poubelle, arrêtez-moi. Oui, voilà. Non, non, mais il a raison, c'était des squash matchs. C'était ça le segment de l'année. On l'a tous oublié. Mais là, je viens d'avoir une petite réflexion. Là, on fait tout un foin sur le premier Rumble féminin. Mais en fait, les Royal Rumble, depuis toujours, sont mixtes. Ouais. Voilà. Best vous avez 2 heures. China. Premier Rumble sexiste. Non, mais c'est, ben voilà, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Allez, première du classement, Alexa Bliss, bien entendu. 13 points. Facile. 3 points de Giscard, 2 points de Ringside, 3 points de l'Amiral, 3 points de Raphaël, 2 points de moi-même. Alors je propose à celui qui n'a pas mis 3 points d'expliquer. Oui, voilà. Voilà. Ringside. Ringside. C'est que j'ai donné à Asuka, parce que pour moi, Asuka fait un run historique. Alexa Bliss, elle est excellente au micro. Bon, elle est quand même titulaire du pire de l'année quasiment avec le This Is Your Life. Mais on lui sert la soupe. Alexa, il y a tout qui lui est servi sur un plateau. Maintenant, elle assure derrière, donc ça prouve qu'elle a le talent qu'il faut. Pour moi, ce qui je trouve est le plus intéressant qui se fait. C'est Asuka qui a fait des matchs beaucoup plus intéressants, qui a un run qui est assez sans faute, qui a réussi à mettre en valeur ses adversaires. Alexa Bliss, malheureusement, elle est un peu la championne d'une division qui est un petit peu rachitique et exsangue. En dents de scie au niveau de la qualité de ses matchs. Alexa. C'est ça, elle est un peu inconsistante aussi. Donc voilà, on lui a donné les opportunités, elle a su les gérer. Je suis très satisfait de ce qu'elle a fait, mais pour moi, Asuka est un cran au-dessus, tout simplement parce que au moins avec Asuka, on sait qu'on va toujours avoir un bon match. Et là-dessus, il n'y a pas. Et puis elle arrive à passer le barrage de la langue, etc. Et je pense qu'on se souviendra dans l'histoire peut-être plus de Asuka et de son règne et de son invincibilité qui dure des mois et des mois plutôt qu'Alexa Bliss. C'est un pari osé. Bon, quelqu'un pour dire du bien d'Alexa Bliss qui est notre gagnante quand même parce que... moi pas de problème, hein, j'en dis du bien avec Sablis. Il y a eu une période très morose à Raw en termes de storyline féminine, mais aussi en termes de personnalité tout simplement, hein, puisqu'on avait on avait même des Bayley, des Sasha Banks, mais qui n'arrivaient pas à trouver leur rythme dans leur personnage. Le départ de Charlotte à SmackDown a fait énormément mal à Raw. Il y avait une place et Alexa Bliss a été celle qui a saisi l'opportunité, en fait, vraiment, qui a fait ok, il faut quelqu'un qui soit heel et qui remplace effectivement la reine qui était Charlotte. Et bien je vais mettre l'objectif de devenir la déesse. Alors après, dans le ring, pour moi, Alexa Bliss était inférieure à Charlotte, pas mal, il n'y a aucun problème. Mais il y avait un vide, elle a rempli. Elle n'avait pas fait grand-chose à NXT, hein, seule Alexa Bliss. Elle été montée dans le roster principal. Moi, j'étais étonné. Je me dis, putain, c'est... Je vois pas pourquoi, je vois pas ce qu'elle va faire. Et elle a démontré qu'en fait, bah, tout le monde avait tort, quoi. Elle a brillé à SmackDown, elle est arrivée à Raw, elle a brillé à Raw. Je suis pas le plus grand fan d'elle, mais sur 2017, je suis désolé, elle a une année qui était, par rapport à son talent, elle a bien joué ses cartes, en fait. Elle a très bien joué ses cartes. Elle a tout compris, comment se faire sa place au soleil. C'est ça. Ouais. Elle a fait effectivement ce segment qui était pourri, mais c'est pas elle qui a décidé de le faire, hein, je pense. Donc, le fait qu'elle ait réussi à survivre à ce segment complètement merdique, ça prouve son talent, hein, quand même. Ça prouve qu'elle est capable de faire des trucs sympas, effectivement. Elle a bien maîtrisé le public qui lui a fait un peu rude à deux, trois occasions. Donc non, elle a main dans le micro plus que dans le ring, je pense, assez clair. Mais voilà, elle a une présence, elle a un charisme, elle a un physique. Qui est indéniable. Ouais, elles sont où les Four Horsewomen, hein? Ouais, elles sont où? Ouais. Ouais. Et puis elle sait gérer les watts. Allez, avant qu'on passe au meilleur catcheur de l'année, un petit point sur le chat. Et dans le chat, n'hésitez pas à voter. Du coup, dites-nous votre top 3 de meilleur catcheur de l'année. Catégorie suivante. Donc là, sur la meilleure catcheuse, on a Sam qui dit Asuka. Guillaume qui nous dit Becky Lynch. Malheureusement, c'est un peu oublié Becky Lynch. Ça, on en parlait plus tôt. Richard qui est d'accord avec Alexa Bliss, voilà, et on nous parle bien entendu de Joe Rehu D qui dit que c'est truqué nos votes, hein, parce qu'il n'y a aucun vote pour Tamina, donc forcément c'est daubé. Oui. Ah, elle était quatrième dans mon classement, c'est dommage, c'est pas passé. On aurait fait un top 20. Non, Je l'aurais mis dans pire promo de l'année à SmackDown. J'aurais pu trouver. Il y avait du monde là, ça aurait été dur. Là, ça se bousculait là. Hein. Ouais. Sinon, celui qui nous parle peut-être du nom qui fera le buzz en 2018 chez les femmes, hein, Ronda Rousey, voilà, qui peut-être, mais c'est pas pour 2017, peut-être pour 2018, on verra est-ce que ça arrivera ou ça arrivera pas. Se caser dans le top des catcheuses de l'année, ça. Sans catcher. Ça m'étonnerait. Mais. On va passer aux choses donc sérieuses, meilleures catcheuses de l'année. Là. On est niveau timing, on est bon là. Ouais. Oh oui, on est bon. Ouais, on est bien là, on est bien là. Il nous reste un quart d'heure. Il nous reste deux awards, mon cher Ringside. Meilleur catcheur de l'année, tout en bas du classement, Brock Lesnar. Avec un point de Giscal sur Brock Lesnar. Et Le Miz, avec un point de l'Amiral Armbar. Ouais, Le Miz, c'est un peu le catcheur oublié de ce. Ah oui, ça me fait mal, ouais. Mais c'est pas facile, non, mais on en met. De pas le mettre dedans. Hein. Bah oui, non, il faut en mettre que 3, hein. C'est toujours pareil. Ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Il est pas. C'est qui c'est qui a fait une imitation de Brock Lesnar là? Je sais pas. C'est Raph, sûrement. Et donc, c'est encore un coup de Raph, c'est sûr. La bête du zoo de Beauval. C'est Raph qui respire. Du coup, c'est qui était en train de défendre le Miz déjà? C'est moi. Alors c'était l'amiral. Voilà, fabuleux. Je trouve qu'il a eu une année excellente avec l'absence tonitruante de Brock Lesnar, le champion universel à Raw. Pareil, là aussi, il y a eu un énorme vide en termes de champion et celui qui a rempli, qui a fait un peu la colonne vertébrale en termes des ceintures à Raw, c'était le Miz toute l'année, hein, qui a fait d'excellentes promos et même qui a fait des matchs sur la fin d'année, notamment son match contre Roman Reigns où moi j'étais sur le cul de le voir catcher comme ça. Ah ouais, non, mais en fait, quand on lui dit OK, ce soir, tu seras pas seulement lâche dans le ring, tu seras aussi et efficace, il sait le faire, donc vraiment chapeau aux Miz et je lui souhaite un bon accouchement pour Maouiz et de revenir en forme parce qu'il va manquer, c'est clair. Il a un gros rendez-vous d'Euro toute cette année-là, il a été au top, quoi, vraiment. Alors, à la avant-dernière position, on a Cesaro avec deux points, donc c'est un point de Ringside, un point de moi-même. Du coup, on a déjà parlé de Cesaro pendant tout le podcast. À 4 points, on a Roman Reigns. Ouais, Giscal, si tu veux bien. Roman Reigns. Si tu veux bien t'expliquer. C'est mon cadeau de Noël à Giscal, j'ai mis 2 points à Roman Reigns. Ah, merci. Alors là, qu'est-ce que c'est? Et Giscal a mis 2 points aussi. Écoute, expliquez-vous, les gars. Hein. Moi, j'ai une seule réponse. Roman Reigns, Braun Strowman, j'en mange tous les matins. Ça m'a ensoleillé toute mon année. Donc voilà, j'ai adoré quasiment toutes leurs rencontres. Je pense pas que c'est juste parce que Braun Strowman est génial. Je pense que Roman Reigns a fait un très gros boulot cette année. Voilà, moi je l'ai pas trouvé insupportable cette année en fait, Roman Reigns. La majorité du temps, je trouvais qu'il était vraiment motivé dans ses matchs. Il a pas toujours été très original dans son moveset, etc. Mais dès que on l'a mis dans des positions où c'était toujours des matchs à stipulation, où il a toujours pu faire des choses un petit peu en dehors du catch, dans le sens où des choses où tu casses des barricades, où tu balances des escaliers, etc. J'ai trouvé que voilà, sa rivalité avec Strowman, et on n'a pas fait de top des rivalités, ça serait dans mon top 3 de l'année, clairement. Faut les mettre dans un IKEA match, les deux là. Et si un mec arrive à être dans mon top 3 de l'année des rivalités, c'est que c'est un des meilleurs catcheurs de l'année pour moi, donc voilà. Un bel hommage. C'est cohérent. Voilà. Moi je suis très content. Roman Reigns, c'est une année magnifique, donc je suis très content que. Sûrement le plus méritant des trois du Shield. Ah bah, écoute, c'est lui qui fait largement la plus belle année, de très très loin. À 5 points, on a Kevin Owens avec 2 points de l'amiral, 1 point de Raph, 2 points de Yerem. Raph, parle-nous de Kevin Owens. L'année de Kevin Owens, 365. Ah bah 365 jours de Kevin Owens, ça a commencé très fort, ça a un peu décliné et puis ça est reparti très fort là, non, c'est une valeur sûre aussi, c'est que, de la même façon que Brock Lesnar nous a bloqué le main event de Raw, Jinder Mahal nous a bloqué tout le monde de SmackDown et il nous a fait chier en étant le top heel de cette année-là, mais sinon Kevin Owens a été très bon au Rumble contre Roman Reigns, il a été très beau en toute la rivalité avec Jericho, perte de petite baisse en champion US. Ouais son truc Face of America, ça marchait pas, ça. Bah, et d'ailleurs dans le 365 ils en parlaient, hein, c'est sa sale période, ça. Ouais, mais il a là c'est la partie où il s'est fait un peu voler la vedette. Face of America, ça fonctionnait. Ouais. Oh, non. C'est son match de merde là où ils ont botché la fin. Sale période, il a été champion US, il y a eu. Non, mais pour lui, ça va. Quoi. Lui, il a pas. Ouais. Pour lui, c'était pas un bon. Bon perso, il était pas content de ça. Non. Le mec, il a un niveau d'exigence qui est over the top, quoi. Tu mates son DVD, tu fais OK, il est complètement rigoureux avec lui-même et il est super critique, quoi. C'est même dommage, quoi. T'as la peine pour lui, t'as envie de dire, mais mec, regarde ce que t'as fait là, si des mois, c'était top, quoi. Parce qu'il est toujours, il en veut plus tout le temps, quoi. Besoin d'être rassuré qu'on lui fasse des gros câlins. Tout l'inverse de ces trois connards du Shield, là, qui sont. Ouais, exactement. Il aura une excellente année de 2018, je pense. Mais Kevin, quand même, troisième, donc du coup, sur le podium, troisième du classement. Deuxième du classement, c'est bien entendu Braun Strowman. 3 points de Ringside, 3 points de moi-même, 3 points de Raphaël et 1 point de Yerem. Donc avec 10 points, Strowman. De toute façon, j'ai parlé de Reigns, Strowman juste avant, donc Ring. Strowman. Oui. C'est son année à Strowman. Moi, je l'ai mis en top hein, de mon listing. C'est le rookie de l'année pour ce bon vieux. Et oui, moi, je l'ai l'année dernière. De l'année. Voilà. J'ai peur, Amiral, là. Bah oui, il est I'm not finished, je vais vieux. C'est ça. Il a alors hormis son match avec Brock Lesnar qui a été assez moyen, tout ce qu'il a fait cette année c'était assez irréprochable. Il a toujours été au rendez-vous. Pour moi, il a sauvé beaucoup d'euros tout au long de l'année dans grâce au développement qu'ils ont fait de son personnage. Il a toujours pas gagné la ceinture universelle. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Comme ça, on va le voir arriver tout doucement au titre pour exploser. La foule est à 100% derrière lui. Donc, ce sera vraiment un gros moment le jour où il arrivera à avoir la ceinture. On n'a pas beaucoup de catcheurs comme ça qui ont à la fois son gabarit, son talent dans le ring. Moi, je me souviens. Sa présence, son charisme. Moi, je l'avais vu en live. Hein, je crois que toi aussi, Hank, peut-être les autres aussi, sur la dernière tournée qu'ils ont fait. C'est quand même un mec qui était le plus impressionnant du show de toute la soirée. C'est une bête de scène et il a fait un sans faute sur toute cette année. Donc, il mérite largement cette place. Pour moi, sur le podium. Alors, effectivement, c'est un gros. que les gens ont trouvé qu'il ne catch pas assez bien, etc. etc. Mais en tout cas, quand on regarde la WWE, théoriquement, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est un mec qui est dans les gabarits qu'on avait il y a quelques années, parce que le gabarit de la WWE a largement régressé. Hein. Un mec comme Jinder Mahal, il a la carrure d'un Bret Hart. Donc, c'est vous dire à peu près où on en est au niveau de ces monstres spectaculaires qu'on avait jusqu'ici. Ce mec-là, Braun Strowman, il a à la fois la carrure et il a le talent de peu de personnes. Quand je réfléchis, quand je gratte dans l'histoire de la WWE, donc pour moi, il y a de quoi faire avec ce mec-là. Et cette année, il a fait un sans faute. Et je pense que c'est la première étape sur ce qui va venir dans sa carrière, qui risque d'être super fun, quoi. AJ Styles est le premier de ce classement. 3 points de Giscal, 3 points de l'Amiral Armbar, 2 points de Ringside, 2 points de Raph, 3 points d'IRM, 13 points. Donc voilà, moi j'ai pas voté pour Styles. Il est très bon, mais j'ai l'impression d'être passé un peu à côté de l'année de Styles, justement en regardant pas assez SmackDown, etc. Donc voilà, un petit mot sur Styles, IRM. Alors Styles, il a commencé l'année en heel. Il a commencé l'année en heel. Il était champion. Ah. Et il était champion. Il était champion, effectivement. Et c'est suite à son affrontement avec Shane McMahon, des Show Stealer, où il a fait son face turn avec une marque de respect, évidemment, Shane McMahon. Et après, c'était façon, c'est la garantie qualité, en contrôle qualité. C'est lui qu'on fait venir en avion avec du jet lag pour aller sauver les pay-per-view face à Finn Balor quand tout le monde a les otites, les oreillons. Là. C'est Jessas qu'on fait. Il était tout blanc, mais il a fait un de ses meilleurs matchs de l'année, ou en tout cas, Finn Balor a fait un de ses meilleurs matchs de l'année grâce notamment à lui. Quand il y avait eu le shake-up, j'avais un peu peur de le voir partir à Raw. Ils ont été très intelligents, ils l'ont fait rester à SmackDown. C'était bien cette année, hein. Ils l'ont fait rester à SmackDown parce qu'effectivement, il représente SmackDown. Enfin, c'est the house that AJ Styles built. Exactement. Et il arrive vraiment à mettre tout le monde derrière lui, les smarts, les marques. Il te sort une qualité de match et surtout, il a une aisance. Qu'il n'avait encore pas l'année dernière. Donc même là-dessus, il s'améliorait sur les segments micro. Il est vraiment, il est à la maison, quoi. Il est à la maison, ça va être difficile d'aller le déloger. Et c'est bien que, enfin, c'est lui qui allait récupérer donc ce fameux titre entre les mains de Jinder Mahal. Et ça va être une grosse année encore pour lui, je pense qu'il s'annonce. Donc ouais, c'est un beau champion. Non, il y a pas à dire, il a l'air bien ce John Cena. Donc du coup, c'est d'ailleurs la John description Cena qui a description par hein. Ouais. la description convient tellement finalement Styles est tellement le remplaçant à John Cena que Vince n'a trouvé que trop tard. Clairement, du peu que j'ai vu de Styles, bon, c'était sur la lignée de l'an dernier, il fait rien de mauvais, il fait briller tout le monde. Monsieur propre de la WWE. Et on va passer au dernier top. C'est le dernier, ça y est, c'est fini, c'est le match de l'année. C'est le match de l'année avec... Bah oui, c'est bien pour ça qu'on regarde du catch quand même, merde. Ah ouais, quand même, merde. Avec, en dernière position que je retrouve, où c'était, voilà... Uso contre New Day à Hell in a Cell, l'homme qui se gratte la barbe. Si vous écoutez la version audio, vous ne savez pas qui. C'est Giscal, c'est lui. Hell in a Cell, il a voulu récompenser Hell in a Cell partout où vous pouvez. Donc voilà. Après, on a cinquième, Lesnar contre Reigns, contre Strowman, contre Joe à SummerSlam et Aleister Black contre Velveteen Dream. À TakeOver War Games à 2 points. Donc, donc le Lesnar contre Reigns, Joe, Strowman, c'était. C'était moi. Qui a voté ça? C'est moi. Giscal. D'accord. Et Aleister Black, Velveteen Dream, TakeOver War Games, c'est l'amiral, une nouvelle fois. Eh oui. Et donc quatrième, on va discuter sur le top 3, hein, mais AJ Styles contre Brock Lesnar à Survivor Series et le War Games match Undisputed Era Authors of Pain contre Sanity. Donc tout ça avec 3 points. Le War Games, c'est Ringside et moi. Enfin, c'est Ringside avec 2 points et moi avec 1 point. Et AJ Styles contre Brock Lesnar à Survivor Series, c'était Ringside avec 3 points. Carrément. Donc voilà, on arrive au podium avec en troisième position des matchs de l'année Authors of Pain contre DIY contre Revival pour le NXT Tag Team Championship of the World. Takeover Orlando, 4 points. Ce qui n'est pas forcément énorme hein, pour une troisième position, mais. Mais oui, il y a de la concurrence. Donc ça, c'était... J'ai mis 3 points sur ce match. Ce match était fantastique. Ce match était dramatique. Ce match était incroyable. Et 1 point de Yerem aussi. Donc 3 points de ma part et 1 point de Yerem. Deuxième position, Tyler Bate contre Pete Dunne. Une nouvelle fois à TakeOver Chicago. 5 points. Ça, c'est l'Amiral, Raph et Yerem hein, qui ont plébiscité ce match. Et enfin... Le match de l'année. Ah. Ah, il le sait. Il le sait parce qu'il a modifié les avances. Non, mais parce que c'est l'évidence. Il a modifié les votes. John Cena contre AJ Styles au Royal Rumble. 10 points tout rond. Vote de Giscal, bien sûr, 3 points. Ringside, 1 point. Amiral, 3 points. Raphaël, 3 points. Donc voilà, c'est les résultats finaux de ces matchs de l'année. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce classement des trois matchs bah d'abord le NXT Tag Team Championship, c'est l'amiral qui a voté. Et non, non, c'était pas moi Eric, non. J'aurais pu. Non, c'était Yerem. Voilà. Bah, c'était oui, c'est surtout toi. C'est toi qui leur a mis 3 points. J'aurais mis 3 points. Non, mais je vais pas épiloguer là-dessus. C'était le meilleur match des Revival de l'année. Et Revival est je suis plus deuxième dans mes meilleurs tag teams de l'année. DIY, c'était. C'était leur dernier. Non, je sais plus maintenant. Non, c'était pas l'avant-dernier match. Ouais. C'était leur avant-dernier match. Donc voilà, Authors of Pain, c'était un peu le match, enfin pour moi un peu le match de la révélation pour les Authors of Pain. Ouais. Ils étaient monstrueux dans ce match. Ces trois tag teams, trois styles complètement différents, qui se complètent magnifiquement. Ça va à 200 à ce match. J'ai l'impression que ça dure. Tu finis le match, t'as l'impression que ça a duré 2 minutes. En fait, ça a duré, je sais pas. Combien de temps il a duré ce match, mais au moins 20 minutes. C'était incroyable, regardez-le. Tyler Bate contre Pete Dunne, donc du coup à TakeOver Chicago, on en a déjà parlé. Parlons plutôt de John Cena contre AJ Styles au Royal Rumble. Giscal, fais-moi une ode. Oh bah, après, moi c'est... déjà dans un premier temps, je suis quand même content de voir autant de matchs de NXT primés, parce que c'est vrai que moi, comme je regarde pas trop, j'ai vu les classements se constituer, j'ai vu plein de NXT fleurir partout dans tous les tops, donc c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. C'est mine de rien, c'est que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de super matchs toute l'année à la WWE, dans le main roster et à NXT, donc ça fait quand même, c'est vrai que ça donne un classement qui est très éclectique, parce que c'est difficile de constituer un top 3 avec tous les super matchs qu'il y a eu. Quel étrange point de vue. Quoi, non. Mais par contre... On n'est pas au Japon ici, Ringside, ok. Après pour moi, John Cena et AJ Styles, c'était le match de l'année, mais à l'aise, quoi. Enfin, c'était... C'est tout. Je suis passé un peu par toutes les émotions dans ce match-là. C'était le troisième épisode de la trilogie John Cena contre AJ Styles, qui était pour moi la feud à cheval. Enfin, c'était plus sur 2016 quand même, mais c'était la plus belle rivalité que Styles a pu avoir depuis qu'il est arrivé dans le main roster, avec ses plus beaux matchs. Et c'est pour ceux qui l'ont pas vu, ça m'étonnerait qu'il en reste beaucoup, mais faut absolument aller voir ce match. Et surtout, j'espère, pendant qu'il s'envoie des bouteilles là. Ringside est au bout, c'est pas du rouleau, mais de la bouteille. Surtout, j'espère, et je pense que c'est pas impossible, mais je pense qu'ils ont peut-être pas fini de se tourner autour ces deux-là, et j'espère qu'ils repartiront peut-être pour une nouvelle trilogie en 2018 ou plus tard. Ils ont encore de beaux matchs à nous offrir. Mais voilà, en tout cas, celui-là, John Cena et G-Style, c'était fantastique. Ouais. Tu serais chaud pour une nouvelle trilogie comme ça en 2018 Une prélogie Comment ça se passe? Non, peut-être pas en 2018, en 2019. Peut-être quand même. En 2019 Ah. 2019, allez. La chanson. C'est la dernière. C'est la dernière, c'est pour Ringside. C'est la dernière. J'ai envie que ce soit Ringside, mais ce ne sera pas forcément Ringside. Qu'est-ce qu'il fout sur son écran à chaque fois? Tu veux pas savoir. J'utilise le randomisateur. J'utilise le randomisateur 2000. Et c'est l'amiral avec l'amiral. Ouais, notre castafiore. Une voix de ketchup. Le générique de Triple H, la musique d'entrée de Triple H, c'est la superstar favorite de l'amiral. Ta-da-dum, ta-da-dum, it's time to play the game. Ta-da-dum, ta-da-dum. Ça c'est sans la musique, hein. Faut s'imaginer qu'à chaque fois il fait. Ouais, t'imagines si on coupait le son, du coup, d'un seul coup, t'entendrais. C'est ça, et voilà. J'imagine surtout si c'est Ringside qui l'avait fait avec sa bouteille de rouge. Est-ce qu'il y a des réactions dans le chat après ces effets spéciaux incroyables? J'espère. Des gens ont des oreilles qui saignent. Plus le chat, il est trop occupé à cracher. Non, mais du coup, dans notre chat, on a des gens, bah, forcément. Hein, dans notre chat, il y a des gens qui se racontent. Ouais, dans notre chat, il y a des gens qui disent que G-Styles et Sina, c'était génial. Effectivement. D'autres qui citent aussi les Uso contre New Day dans Hell in a Cell. Ouais, très très bon match. N'est-ce pas? voilà, on en parle bien sûr du Velveteen Dream et Aleister Black, du War Games, du Four Way de SummerSlam. Bref, voilà. On n'est pas trop à côté de la plaque alors. Non, ça va. On est plutôt. Voilà. On représente des avis qui sont partagés. Pas pour le main event de SummerSlam, hein, qui est quand même. Non, il est cité. Il y a celui qui cite le Fatal 4-Way SummerSlam, effectivement, qui était plutôt intéressant. Mais il y a eu des matchs très sérieux et je pense qu'on préfère quand même le 1 contre 1. Quoi, hein. Je pense que ce main event de SummerSlam est un des rares main events d'ailleurs, puisqu'on a fait le Ward des Show Stealers, qui sont dans les meilleurs matchs de l'année. Sinon, c'est quasiment que des trucs qui étaient en début de carte ou en milieu de carte. Hein, Teenage Styles. Un peu le syndrome de cette année, les main events qui étaient pas forcément incroyables, que ce soit à NXT ou que ce soit dans le roster principal. Et c'est terminé pour ces Catch Up Awards. Tout le monde va pouvoir se relâcher là. Et nous sommes en 2018, ça y est. Bonne année. On fait des émissions enregistrées comme Arthur. D'ailleurs, joyeux Rousseff Day parce que c'est Rousseff Day aujourd'hui aussi. Ah oui, joyeux Rousseff Day, les gars. Joyeux Rousseff Day, ouais. À toutes et à tous. Ça fait que 4 fois qu'on l'a fait. Alors, on va continuer. Hein, 361 jours à taper la blague des Rousseff Day. Je remercie tout le monde, remercie Yerem d'avoir fait la réal et répondre et tout ça. Merci. Moi, j'ai fait la réal. J'ai pas fait le chat. Oui, non, mais je voulais dire répondre quand je te pose des questions. Et que je suis pas un connard. Merci. Merci de parler pendant ce podcast. Il s'est bien éduqué. Il s'occupe de publier des trucs et tout ça. Enfin bref. Raph, merci d'être là. Enfin d'avoir été là. Rien. Et merci à toi. Merci l'amiral. Avec grand plaisir. Le générique. Magnifique. Merci Ringside d'avoir été encore debout à la fin de ce podcast. Je sais pas s'il est debout là. Il est peut-être allongé dans son lit. Bonne nuit, Ringside. Hein. Tu es chiant, quoi. T'es encore en forme. Merci, Giscal. Ah bah, merci, Hank, d'avoir préparé cette superbe soirée. Magnifique. Bravo, Hank. Et le deuxième mini-jeu, bien sûr, il n'y avait que 7 questions, pas 10, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'était le bordel. Mon annonce surprise que j'ai pas du tout révélée à quiconque, c'est que après un appel populaire de au moins 3 personnes dans les commentaires, Non, mais je pense que ça intéressera d'autres gens. Je vais faire une review de NXT par semaine. Et je vais la publier le dimanche, normalement. Ça va être un peu voilà, un tu peu en retard. Tu sacrifies la messe, quoi. Je sacrifie la messe. Et en plus, tu vas faire ça à chaque Rousseff Day. Le nom est excellent. Ça s'appellera NX tout seul. Voilà. Parce que et tu pourras peut-être inviter Ringside, on ne sait pas. Ah, oui. Parce que ça reste un catch-up quand même. Ça dépend parce que Ringside, des moments, il ne veut pas se lever le dimanche. donc. Bah, les fois où je me suis levé, tu n'étais pas là. Alors, oh, bon, bah alors. Après, on va vous laisser, les gars. On va vous laisser gérer le truc. La FUD 2018 est annoncée, elle est là. Les prémices. Des embrouilles, des vannes. Et de temps en temps de la bonne humeur ici et là. C'est ce qui vous attend si vous vous abonnez à Catch-Up. Et oui, cochez la petite cloche là pour être sûr d'avoir les vidéos. Et des tenues de Noël là sur le chat. Et vous pouvez gagner des t-shirts si vous répondez au concours. Exactement, j'ai des chaussettes Bray Wyatt qui attendent quelqu'un. Et envoyez des sous via le PayPal. Voilà. N'écoutez pas Ringside, il veut faire fuir. Il n'y a que Ringside qui est au courant du PayPal. Non, mais réellement, donc du coup, je remercie encore tous les gens qui nous ont suivis cette année. J'avais fait une petite vidéo sur le fait qu'on a dépassé 300 abonnés, donc on remercie énormément tous les gens qui. Très bonne vidéo. Oui, très très bonne vidéo. Ouais. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre. Donc du coup sur YouTube, n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit like parce que ça permet à ce qu'on soit un peu plus visible. Twitter.com/catchupcdc, c'est là où on vous prévient de quand on stream nos podcasts, puisque tous nos podcasts sont en live quasiment, sauf quand il y a un incident, mais sinon tous nos podcasts sont en live sur YouTube. Donc on répond au chat, etc. Catchup Pro en début de semaine. Supplément SmackDown en milieu de semaine. Ensuite, les pay-per-view. On suit aussi les pay-per-view d'NXT. Donc maintenant, il y aura une review d'NXT chaque semaine, le week-end. Bref, il y a tout. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous. Et on vous souhaite une bonne semaine et même une bonne année pleine de catch. Mais on va quand même couvrir Raw et SmackDown de Noël. Donc. Restez informés. Voilà, tout le monde vous fait des tout suites et Giscard essaie de vous présenter quelque chose, je ne sais pas. Gros bisous. À chaque fois, je galère à faire le tout suite. Ça tombe bien, on n'a plus le droit de le faire. Et à toutes. Allez, ciao tout le monde. Bonne année. Bonne année. Ciao, bon Rousseff Day. Ciao. Salut Rousseff Day. Joyeux Rousseff Year Day. Je me suis fait un petit quinoa, petit légume, boulette de viande, là. Délicieux.